Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 7 février 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est encore Jean-Philippe Charbonneau. Le son est donc bien fort là-dedans, ça n'a pas d'allure. Et voilà. Oui, hein? T'es oui. Encore ça? Ouais, ça n'a pas changé ce matin. Non! Non. C'est correct de même. Bon, oui, c'est bien. Moi, j'étais content. J'apprécie la stabilité pendant un peu de temps avec toi. C'est cool, c'est bien. Il fait plus clair ce matin. Toi aussi, t'as remarqué, ouais. Hein? Parce qu'on ne s'est pas, parlé. Non, c'est ça. C'était pas prévu, là. Tu prépares les affaires, tout ça. On ne s'est pas parlé de rien du tout. On s'est même pas dit salut. C'est comme air bête total de ma part. Ben oui. Salut Mathieu, ça va? Oui, toi? Ben oui, il fait clair ce matin. Oui! Clair! Oui, ça fait du bien. Ça veut rien dire, on dit ça de même, puis on parle de météo comme tout le monde fait, mais... Ben oui. C'est super intéressant. J'ai vu clair passer devant la maison. Clair, préparé. Ben oui! T'as tout préparé. C'est bizarre, cette nuit, j'ai dormi, comme j'imagine tout le monde. Oui. Je me suis réveillé dans le milieu de la nuit, il était peut-être genre minuit. OK. J'ai cligné les yeux, puis il était 5h15. Wow! Wow! Ça, c'était un sommeil profond. Ouais. Pouf. Je pensais que t'allais dire que t'avais rêvé à moi. Non. Est-ce que tu veux partager tes... Non, tes rêves? Non. Veux-tu savoir ce qui se passe dans l'émission d'aujourd'hui, par contre? Certainement. Ah oui, aujourd'hui, qu'on va donc avoir une belle émission pour vous. À 7h30, Maxime Bilodeau sera là pour sa chronique d'une foulée à l'autre. Chronique sur la culture sportive. Et aujourd'hui, son sujet, c'est le sexe. Et l'activité physique en même temps. Oh! Ben, l'un va avec l'autre. L'un et l'autre, finalement, c'est de l'activité physique, le sexe. L'un peut être l'autre. Oh, voilà. Oh. Donc, ces deux sujets qui semblent pourtant si peu compatibles, nous dit-il, seront bel et bien abordés dans le cadre d'une foulée à l'autre. Et ce sera du sérieux, car nous nous attarderons à rien de moins que 5 sujets distincts ayant trait au thème du sexe et de l'activité physique. Tout ça avec une très grande pertinence ainsi qu'un semblant de bon goût, vous aurez été prévenus. Oh! Je suis prêt. J'espère bien. Ensuite de ça, à 8h, Jasmine Raymond-Dreyville, sa chronique sur la GEQTR. Elle va nous présenter évidemment les plus récentes actualités et activités. Pas de surprise ici, mais la surprise est dans les sujets. Ah. C'est pas ce qui s'en vient. Total. À 8h30, François Landry et Logocratie 101. Et son sujet de la semaine à François Landry, c'est, attention, petit cours de logocratie et de langue de bois. Pour ceux qui n'ont pas appris la leçon encore et qui ne savent pas encore ce que ça veut dire, le titre de la chronique, Logocratie 101, ce sera le moment. Oh! Gotta be the moment! Il n'y aura pas des chardes. Ah non? Langue de bois. Charde. Oh! Oh. Morning wood! sinon, autour de ça, les chroniques maison qu'on fera aujourd'hui, c'est King Sexy Time. On est habitué de la faire le jeudi de ces temps-ci, c'est ce qu'on fait. Oui, on aime ça. En tout début d'émission, parce que ça réveille bien. Oui. Comme un morning wood! Pareil. Voilà. Et aussi, je vais me permettre de chialer si j'ai le temps quelque part là-dedans dans ma chronique tout le temps de quoi. Parfait. Voilà. C'est le temps d'aujourd'hui. On va commencer relax. Par contre, oui. Parce que je pense que, tu sais, après avoir eu une nuit qui a semblé passer en 2 secondes. Mais c'est bien, mais c'est pas bien. Ben, c'est les deux. Ouais. C'est toi, c'est moi, c'est nous autres. Oh. Voici The North. Oh oui. The Stars. Well, allons-y. Je te comble. Oui. Je suis un homme comblé avec toi, Mathieu. majesty. North de la formation Stars à Assemblage requis ce jeudi matin, 7h09. Ben oui. T'allais-tu te tromper? On est non, déjà oui, j'allais dire mercredi. Je sais pas, la semaine passe vite aujourd'hui. Cette semaine. Juste matin, là, c'est comme... Pouf! Ah, tout à coup, on est jeudi. Ma vie! Oui! Bon, voilà. Donc, ce qui passe vite dans la vie aussi, c'est l'envie et les... Le sexe éteint. Le sexe éteint. Oh, un matin, je ne voulais pas la faire. Non, je ne savais pas comment l'aborder, moi non plus. Mais ton lien était bon, meilleur que le mien, en tout cas. Bon, on s'est essayé. C'est Kinky Sexy Time. Je vais te laisser faire toutes les transitions de l'émission aujourd'hui. Kinky Sexy Time, c'est évidemment la chronique où on parle de sexualité. C'est pour un public averti, mais pas trop. Ouais. Ça se mange quand même bien. Ça s'écoute quand même bien en mangeant des céréales. Tout à fait. Ben, ça se mange quand même bien. Hein? Voilà. C'est fait, c'est dit. Hey, c'est-tu beau. Plus votre quotient intellectuel est élevé, plus c'est facile pour vous d'avoir un orgasme, selon une étude. Fait que les précoces sont vraiment brillants. C'est des smart people. Oh! C'est comme les smart drinks dans les années 90. C'est avec le petit bonhomme sourire. Hey, ça, c'était le fun. C'est comme l'auto-smart. L'auto-smart. Hey, ça, c'est comme si tu veux avoir un accident, achète une smart, t'as aucune chance de survivre. Chacun pour soi. C'est ça, c'est vraiment. Un dacryphiliaque. Dacryphiliaque, c'est quelqu'un qui est sexuellement excité quand il regarde d'autres gens pleurer. Oh! Dépravé, pas mal, là. Come on! Ouais. C'est triste. Oui. Ben, ça pas assez pour vous exciter, là. Non, c'est ça. Oh! Les orgasmes qui sont faits pendant qu'on rêve sont 5 fois plus intenses pour les femmes. Quand tu rêves et que tu as des orgasmes pendant tes rêves, je sais pas, moi, je sais pas. Moi non plus, je suis pas une femme. C'est pas une femme, en effet. je te dirais félicitations. Non, mais c'est pas ce que je pense du tout, en fait. Je sais pas. Ensuite, l'engin masculin moyen mesure entre 5 et 5,7 pouces en érection. OK? Entre 5 et 5,7. Les orgasmes féminins durent 4 fois plus longtemps que ceux des hommes. Bon, d'accord. là, ici, je vais utiliser le terme en anglais. Ne soyez pas offusqués, s'il vous plaît. Butt plugs. Butt plugs. On a été inventés dans les années 1800. À l'origine, ils étaient faits en bois. Oh! Échardes? Oui, vraiment. J'y ai pensé. Moi, j'ai des échardes absolument à rien. Ah, ben, tu pourrais pas avoir un butt plug? Non, mais non, merci. Hein. mais aussitôt que je touche à n'importe quoi qui est fait en bois, là, moyennement, même si c'est vraiment bien, bien sablé, ciré, sablé, etc., là, c'est sûr que je pogne un écharde. Toi, tu pognes l'écharde. Vraiment, l'écharde. Ah, tu veux-tu que je te conte une histoire de butt plug? S'il te plaît, là, sûr, je suis allé trop vite, s'il te plaît. Eh bien, écoute, c'est vraiment... Je sais pas si c'est pertinent, là, mais j'ai déjà fait un échange de cadeaux avec des amis. OK. Puis, un échange de bonne plaque avec des amis? Non, non, de cadeaux à Noël. OK. Et puis, on avait... tu sais, dans ce categories, il y a le D. Fait ouais. qu'on s'est dit, ça serait drôle qu'on ait une lettre. Donc, on a brassé. Là, tu me vois venir. La lettre B est sortie. J'aimerais mieux ne pas te voir venir trop souvent. Oui. Mais c'est ça. Au moins, il y a la table pour nous cacher. Et puis, j'ai reçu un butt plug qui s'appelait Blue Thunder, mais j'ai jamais utilisé. Là. C'était comme une blague. Je pourrais l'amener en studio. Ouais! belle image. Il est bleu en plus. Oui, bleu. Flash, là, ou bleu acier, ou bleu masculin viril. Ben, il est pas bleu comme ton chandail. Il serait plus bleu. C'est pas descriptif comme ça. Ouais. Ouais. En tout cas, c'était vraiment une... C'était vraiment pas pertinent ce que je viens de dire, mais tout le monde sait à cette heure que j'ai un butt plug. Très drôle. Non utilisé, par exemple. Si vous le recevez comme cadeau de la part de Jean-Philippe, c'est que c'est un regifting. Oui. Sachez qu'il est neuf. Et voilà. L'olfactophilie, c'est quand les gens sentent, sniffent, reniflent, tu sais, bref, les gens pour s'exciter. Surtout dans les endroits sexuels. Donc, les gens vont aller sentir ton entregent. Un scratch and sniff. Scratch and snatch. Scratch and sniff. C'est une référence au palmarès, c'est fou, ça. On ressort des vieilles blagues des fois. Oui, c'est vrai. Oui, hein? Oui, c'était le nom de l'épisode il y a quelques semaines. La technosexualité, c'est un fétiche. Le fétiche de le faire avec un robot. Ah. Oh. La technosexualité. Il oh. n'y a pas de philie là-dedans. Technosexualité, philie, quelque chose. Ouais, non. Avec un robot. Avec un robot. Ouais, c'est tendance, non? Le muscle le plus fort du corps humain, c'est quoi, tu penses? C'est le muscle du zoui-zoui. Non! C'est la langue. Ah, c'est tellement évident. Tellement évident. Les femmes, en fait, les Caucasian women, les femmes Caucasian, K-H-O-S-I-A-N, de l'Afrique du Sud, ont une lèvre d'en bas, on s'entend là-dessus, allongée, si on veut. Et ils peuvent, cette lèvre-là peut tomber jusqu'à 4 pouces à l'extérieur du 4 pouces. 4 pouces. Ouais, hein? C'est un 2 tiers de sous-marin Subway, est-ce pas? Ouais. Au smoke meat. Au smoke meat. Au smoke meat. Au poisson. le plus long engin féminin, d'accord? Non, pas le plus long, excuse-moi, le plus fort. Ouais. Fort! Engin féminin peut soulever 33 livres ou 15 kg. Je sais pas s'il y a 2 tiers de sous-marin Subway qui pend au poisson. Tu benches combien? Et, hein? En tout cas, 33 livres. Aïe, aïe, aïe. C'est comme l'équivalent de 33 livres de beurre. Ouais. Entre 0,4 et 6 % des femmes ont une... je pense que j'ai déjà fait, mais c'est pas grave. Ont un sein ou une paire de seins additionnels. Pas nécessairement complète, là, ou qui sort vraiment de loin et qui se remarque, là, mais quand même, ils ont 2 seins. Ou un sein de plus. Entre 0,4 et 6 % des femmes. 6 % des femmes, on s'entend que c'est lot of people. Ouais, je suis pas sûr de la comprendre. Deux seins de trop ou un sein de trop. Ah, une tétine, oui. Peut-être un mamelon. Ah! Ou un petit sein bombé. Ah. Peut-être à un certain endroit. Je comprends. Voilà. Maintenant, je comprends. C'est bizarre. Ça m'est jamais arrivé. Tu vas en chercher maintenant. Oui. À la recherche. Comment qu'on fait pour trouver ça? Y a-t-il un site pour ça? Quadruplemamelon.com. En tout cas. Très intéressant celui-là, ce fait-là, dans King Sexy Time. Est-ce que je dois me censurer quand j'ai un testicule? Non. Non. Donc, un testicule va descendre, tu sais, quand tes testicules descendent, ouais. Il y en a un qui va descendre plus bas que l'autre, ouais. Pour qu'il ne se frappe pas comme des noix de coco lors de la course ou de la marche. Ah, oh, c'est pour c'est ça. Spécifiquement. Tu sais, quand tu dis, mais il me semble que j'ai un testicule plus bas que l'autre, normal. Ah, ah. Donc c'est pour quand je fais de la course. Pourtant, d'habitude, je suis tellement immobile. Ben c'est ça, j'allais dire. Moi non plus, j'en fais pas de course. Hein. On peut-tu remettre ça à niveau, s'il vous plaît? Moi, j'aime bien les choses symétriques. Ça. Les experts du sexe, ce qu'on appelle dans l'article ici des sexperts. Hein. Oui, c'est une belle combinaison de mots. Disent que la longueur parfaite, la longueur adéquate d'une relation sexuelle serait entre 3 et 7 minutes. Je trouve que la fenêtre est large. Oui, 3 et 7 minutes. C'est un peu large, mais bon. Deux tiers des femmes admettent avoir fait semblant d'avoir un orgasme à un moment de leur vie. Bon, OK. D'ailleurs, les orgasmes féminins, ce qu'on a dit tantôt, celui-là, je me rappelle pas si c'est exactement formulé comme ça, mais les orgasmes féminins durent 4 fois plus longtemps que ceux des hommes. On parlait du dodo. Exactement. 4 fois plus longtemps? 4 fois. Alors, en 2004, une femme a été retenue, retenue si on veut, à l'aéroport d'Athènes. Parce que sa ceinture de chasteté a fait partir le détecteur de métal. Ouais. Et il y a eu la confiance là-dedans. Ben ouais. Hein? C'est beau avoir un couple comme ça. Ouais. D'ailleurs, t'as-tu vu celui qui s'est fait fouiller parce qu'il y avait un trop gros engin? Oui, Jonah Falcon. Là. Ah, wow, tu le connais par cœur. Oh, ben, mon héros! Je l'émule! I've got a dream! As-tu été chercher des photos sur Google Not Safe Search? Oui. C'est important d'enlever Safe Search. Oui, c'est aussi très impressionnant. Impressionnant. C'est un handicap, là. Ben, c'est parce que tu peux rien faire dans la vie si même quand tu vas à l'épicerie, ils pensent que t'as volé un gros salami. Fait que, tu sais. Non, c'est pas le fun. Non. Non. Imagine comment tu dois. Tu sais, mettons, quelqu'un se pète le genou, là, à quelque part tout le temps. Imagine, là, tu peux pas te péter nulle part entre le genou et l'entrejambe, parce que c'est pas mal là. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Ouais. Tout le bord, juste d'un bord, par contre. Oui. D'habitude. Je sais pas s'il varie. Tu sais, on penche tout d'un bord. Ouais. Est-ce que lui... Peut-être qu'il alterne. Peut-être. Tu sais, éviter les frottements à la même place. Il devrait juste le laisser pendre dans le milieu puis apporter des kit. Ouais, c'est vraiment un tripode. Un tripode. Oui. Oui, c'est ça. T'as l'air désespéré. Vraiment, là, ce gars-là, Jonah Falcon. Ouais. J-O-N-A-H, puis Falcon. Mesdames, soyez avertis. Mesdames, messieurs, soyez avertis. Soyez avertis. Soyez avertis. Soyez avertis. Fromage. Fromage. Apparemment. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Polanka. On pourrait aller loin avec ça. Apparemment, l'odeur la plus excitante pour un homme serait la lavande mélangée avec la tarte au citron, à la citrouille. Je me rappelle avoir déjà parlé de tarte à la citrouille dans King Sexy Time, mais là, de mélanger lavande, qui est une des odeurs que je déteste le plus de la vie, et la tarte à la citrouille que j'adore. Est-ce que t'as déjà essayé le combo? No, never tried a combo. Oh. Mais moi, lavande, ça m'épilise par-dessus tout. Tu pourrais porter juste une goutte de lavande. Mais apparemment, là, mes collègues m'ont déjà dit que t'as un peu tort, Mathieu. Parce que finalement, j'ai toujours tort. Hein. Mais selon moi-même, j'ai toujours tort. Mais la lavande fake, tu sais, le parfum à la lavande. Ouais. La lavande. Ça, c'est vraiment... C'est ça qui est pas bon. C'est l'odeur de fausse lavande. Apparemment que la vraie lavande... Je sais pas. C'est un petit quelque chose. Mais je sais pas où m'en procurer, je sais pas où la vendre. Raté. Non, elle est pas pire. Merci. Pour attirer les hommes, plusieurs jeunes femmes de l'Ouganda. Ouganda. appliquent un mélange d'herbes à leurs lèvres d'en bas pour essayer de les allonger. Je sais pas si ça va aller jusqu'à 2/3 de son reste bruit, mais ils essaient de l'allonger leurs lèvres. Fait quoi bon? Jusqu'à ce que les lèvres dépassent le mètre. Le mètre. Oui, c'est ça. La longueur. La longueur. J'ai même pas prévu ça, c'était dans ma tête. Ça vient de même, ça vient de... Comme ça, c'est la spontanéité de l'assemblage requis. Tellement, ça que ça existe. Ça. Qu'est-ce qu'on ferait sans assemblage requis? On dormirait. 2 heures de plus. C'est ça. Ouais, ben ça finit bien, je trouve, là-dessus. Les lèvres dépassent le mètre. Le mètre, ah oui, j'adore. Moi, je l'adore déjà. C'est le nom de l'épisode? Ah, ça se pourrait. Je pense que oui. Mais on va voir. Parce qu'il reste quand même de... Une heure et demie. Oui. Non, mais ici, là, t'as du contenu pour faire 15 titres d'épisode par épisode. Là, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on va voir. Peut-être que je vais en sortir une meilleure. Peut-être. Bonne chance. Oui. Oui. Parce qu'elle est vraiment très bonne. On se trouve en musique avant de passer avec Maxime Bilodeau qui, lui, va continuer dans la lignée du sexe. Hein. Vous savez, d'habitude, notre journée sexe, c'est le mercredi parce qu'on a la chronique d'Annabelle Maton, Je t'aime, moi non plus. Mm-hmm. Là, on fait King Sex Table jeudi pour justement pas en mettre trop le mercredi, trop de bon plaisir. En même temps, ça va comme vous faire exploser le cerveau. Mais tantôt, à 7h30, on continue. On continue. On continue. Pourquoi se priver? Ah, partie privée. Partie privée de sens. Oh. Quiz qui revient pas l'année prochaine. Non, c'est ça. Ça doit pas être bon, hein? Donc, Young Rival avec Black Popcorn. Allons-y. À son âge, Ricky! Black Popcorn de Young Rival, on riait là, comme des petits fous là, en studio parce que je me rappelle pas où sont mes pitons. Je suis tellement endormi que je fais n'importe quoi sur la console. Hey, tantôt Maxime Bilodeau s'en vient. Je le vois d'ici, je le reconnais. Blague que tout le monde fait, puis on va s'entendre tellement vite. Ah, oh, il danse en plus. Ah, oh, c'est beau. Il danse. Oui. Avant, par contre, comme une ballerine en fait. Fallait peut-être pas dire autre. Donc, avant de passer à Maxime Bilodeau, on va parler un petit peu d'un spectacle qui s'en vient, Jean-Philippe. Ah oui, OK. Ben écoute, on parlait de qu'est-ce qu'on allait écouter comme musique. Ouais. J'ai proposé d'écouter les 8 babins. Ils vont être en spectacle demain, soit vendredi. On est combien aujourd'hui? On est le 8 février. Donc, à l'embuscade, 7$ l'entrée. Ça commence à 9h, 9h30. C'est pas cher du babin, ça, là? C'est pas cher du babin. C'est même pas 1$. Ça fait babin, les babins. Babin, bon. Ça va être bon. Ça. Pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six, pas sept, pas neuf. Huit babins. C'est un... Le 8 février. Hein? Il aurait pu mettre ça à 8$. J'avoue que, pour vrai, tant qu'à faire, faites-le comme il faut. Mais est-ce que c'est un groupe familial? J'imagine c'est des frères, sœurs, cousins, cousines, enfants. Non. Du tout. Boum! Eh ben. Non, c'est très bon. D'ailleurs, je vous propose d'écouter un extrait. Question de savoir... qu'est-ce que c'est? Ben, qu'est-ce que t'en penses, toi? J'avoue qu'on devrait faire ça. On devrait aller entendre la fin du monde. Ben oui, faisons. Allons-y. Mais c'est un assemblage requis. De rien. part du monde. Ah, vite, vite, creusez votre tombe. C'est la fin du monde. Bon, bon, bon, bon. C'est la fin des temps. Sauvez les femmes et les enfants. C'est la fin des temps. Yo, papa, bon. Yeah. J'attends les zombies, le cœur léger. Que mon bâton, il vienne me caresser. J'attends Satan, l'âme rêveuse. Je prends le thé avec la grande faucheuse. C'est la fin du monde. Oh, mais moi je m'en fous. Yeah. Bien caché dans mon bunker. Je vous l'avoue, c'est le bonheur. Je mange du foie gras sur des craquelins. Avec du fromage et du bon vin. Quel festin! Oh, c'est délicieux! Les paysages apocalyptiques. Le ciel rouge écarlata, c'est magnifique. Je me coule au bain aux radiations. De l'uranium comme pain de savon. Comme c'est bon. Oh, comme c'est tout sur ma police. J'attends les zombies, le cœur léger. Que mon bâton, il vient me caresser. J'attends Satan, l'âme rêveuse. Je prends le thé avec la grande faucheuse. Oh, oh, yeah, yeah, papa. C'est la fin du monde, mais moi je m'en fous. C'est l'hiver nucléaire. Joyeux Noël et bonne année. Le gros barbu arrive sur Terre avec des grenades par milliers. Nostradamus est satisfait. Son livre connaît un franc succès. Et les Mayas font le nouveau calendrier. Avec comme stratégie marketing de mettre des photos de pompiers sexés. Ah. On retourne la chronique d'une foulée à l'autre avec Maxime Bilodeau à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. C'était en 33, toujours à l'Assemblage Requis avec Jean-Philippe Charbonneau et Mathieu Plante. Ben oui. C'est ça. Puis moi. Puis toi, hein? On t'a pas présenté encore. On va te présenter. Ok, tu vas là encore. Toute la magie. Toute la magie est partie. Évaporée. On recommence, on remet la chanson. La chanson fait penser autour genre d'un feu. Là. Oui. Je me crois l'été, là, même s'il fait moins 10 000 dehors. Exactement. Hey. Merci Mathieu pour ce moment réconfortant. Mais merci à Vélez Pariétaire. Il manque juste les guimauves. Ben oui. Ah, des guimauves. Ah, des guimauves. Dans mon café. Dans ton... Ça te réveillerait ça. Donc, vous l'avez entendu, on le présente officiellement pour vrai. Maxime Bilodeau, l'homme est là. L'homme de sexe ce matin. Oh! C'est son... Ouais. Voici d'une foulée à l'autre. Écartier les jambes. Pour marcher, pour marcher. La split, la split, la split. Et Luc Sonnet est avec nous pour sa chronique. Non, excuse-moi, c'est Maxime Bilodeau. Oh, joke de split, non, coquin, c'est facile. Coquin. Et on parle de sexe aujourd'hui, c'est vrai, c'est ton sujet, c'est assez rare, en fait, c'est jamais arrivé. C'est effectivement, c'est mon première fois que je parle de sexe à cette chronique-là, et une chronique qui porte sur le sport et l'activité physique. Oh mon Dieu, commotion! De quoi qu'on va parler? Controverse. Controverse, ouais. S'il y a bien deux thèmes qui vont pas ensemble, c'est bien ceux-là. Ben non, hein? Ben, de coudon. Ben aujourd'hui, juste pour votre grand plaisir, je vais prendre ces deux thèmes-là, je vais les marier ensemble et je vais vous en parler de long en large. Les sceptiques seront confondus, sincèrement, parce que ça va être très bon. Je peux vous l'affirmer, ça va être très, très bon. Comme la cuisine fusion. Comme la cuisine fusion. Et voilà. Ricardo sort de ce corps. S'il te plaît, en fait. S'il te plaît. N'entre pas. Ben, sincèrement, là, un terrain miné comme le sexe, ben, c'est comme quand on parle de politique, quand on parle d'argent, quand on parle de ce genre de la religion également, ce genre de thème-là. C'est tout le temps, comme je dis, c'est un terrain miné. Et c'est un peu un défi que je me lance, en fait, ce matin. Parce que, sincèrement, prendre ces deux sujets-là et arriver à quelque chose qui ressemble à une chronique et qui est quasiment intelligent et surtout qui n'est pas trop grivois, eh bien, c'est quand même un certain défi derrière ça. Tu vas te retenir plus que nous dans Kinky Sexy Time. Hein? Oh, effectivement, je vous entends un peu. Et, ouais. Donc, juste un petit avertissement avant de commencer. Connaissance personnelle en ce qui a trait à la sexualité humaine. C'est pas bien, bien fort. Il y en a qui sont meilleurs que moi, disons. En fait, c'est que mon intérêt, on s'entend intérêt intellectuel pour la chose, est très, très limité, on va dire. Donc, ceux qui sont meilleurs que moi, entre autres, je nomme Mademoiselle Annabelle Maton, mm-hmm. qui fait une chronique ici le mercredi matin, qui nous a parlé hier d'aphorisme du désir, de Kama Sutra. Oh oui, je lui demande sur Facebook à l'instant de mettre des photos de ça. C'était épique, je dois dire. Il y a également M. Loranger, qui, dans le Zone Campus, écrit parfois sur le sexe. Oui. Et c'est un peu de façon controversée, mais quand même, c'est très, très intéressant. Un petit peu. Alors, c'est eux les vrais experts. Moi, je suis un pseudo-expert juste pour une chronique, le temps de ce matin. Donc, c'est parti. Juste avant de commencer, petite parenthèse. Je suis en train de me dire en ce moment, là, mon Dieu, si j'avais cru à un moment dans ma vie que je parlerais de sexe à la radio demain... Je me serais pas cru. Mais bon, on y va. Ta bucket list, un crochet de plus, les choses à faire avant ta mort. Et voilà, il va marquer ça sur ma tombe. Là. Ouais. Il a parlé de sexe à la radio. Check. Scandale! Ben non. Donc, mon premier sujet, je vais commencer en posant une question, messieurs. Est-ce que la performance d'un athlète peut être compromise par la pratique sexuelle? Oui. Ouais, je dirais aussi, surtout s'il s'empêche de le faire, il va être encore plus excité. Effectivement, s'il dort pas de la nuit, là, on peut s'imaginer qu'effectivement, il va probablement que ça va avoir un impact. Ben, justement, messieurs, vous êtes très symptomatiques de ce qui se dit. Yes. C'est qu'a priori, on pourrait penser que oui. Enfin, il y a tout un folklore derrière la question. Tout un folklore? Un folklore. Je suis un peu venu articuler. Un folklore, oui. Et il y a tout un folklore derrière la question, comme je disais. Et il y a vraiment tout un folklore aussi derrière ce qui est la solution à ça, soit l'abstinence sexuelle. En fait, je vais vous faire une petite énumération ici. Mohamed Ali, avant chaque combat, se faisait un devoir quelques semaines avant son combat de pratiquer l'abstinence sexuelle, être sûr qu'il ait toute son énergie et qu'il soit primé pour son combat. Il y a également un coureur demi-fond, un Américain qui est un peu moins connu qui s'appelle Marty Leakery. Il a couru le mile, qui est à peu près 1500 mètres et plus, en 3 minutes 47. 3 minutes 47, c'est vraiment très rapide. Je vais vous donner une petite idée. Là. Lui, il disait que le sexe, ça rend les gens heureux. Et les gens heureux ne courent pas le mile en 3 minutes 47. Donc, c'est un homme pas heureux. C'est un homme très malheureux dans la vie. C'est très souffrant, on doit dire. L'entraîneur des Bills de Buffalo dans les années 90, Marv Levy. Quelquefois, les Bills de Buffalo sont allés au Super Bowl. Et avant d'aller au Super Bowl, les semaines avant, il faisait avec ses joueurs. Il s'assurait que ses joueurs étaient isolés de leurs compagnes pour justement qu'ils pratiquent l'abstinence et qu'il y ait de l'énergie. Ça n'a pas vraiment marché parce qu'ils n'ont jamais gagné le Super Bowl dans cette période-là. Je pense jamais, en fait. C'est peut-être à cause de quelqu'un qui s'est lâché. Il y a peut-être quelqu'un quelque part qui n'a pas fait sa job. Ou qu'il a fait sa job, dépendamment. Je me demande comment l'entraîneur faisait pour vérifier ça. C'est ça. Il faisait un sondage auprès d'eux. Tu connais pas l'orientation des joueurs non plus. Il y en a qui a peut-être que c'est justement bien le fun pour eux autres d'être tout le temps avec leurs collègues de joueurs de sport. Effectivement, je vais vous en parler tantôt des joueurs de football, d'ailleurs. Donc, un peu théoriquement, ce que ça dit, c'est que la pratique sexuelle, ça réduirait révélerait les mécanismes physiques et psychologiques qui eux-mêmes compromettraient le rendement sportif. Donc, par mécanisme physique, on dirait que l'éjaculation mènerait à une perte de testostérone. On l'a probablement, vous avez déjà entendu, je mets en parenthèse ici, le gros bon sens, si on veut. Mm-hmm. Et les mécanismes psychologiques, ça serait un peu la baisse de l'agression, le sentiment d'être prêt, d'être primé pour la performance. Ça augmenterait également l'anxiété. Donc, on se sentirait un peu plus stressé. Donc, le sexe, en théorie, ça aurait un effet un peu trop calme. On voudrait pas ça dans un contexte de compétition. On est trop smooth, on performe pas. Ouais. Donc, ça, c'est la théorie. En pratique, parce qu'il y a du monde qui se sont vraiment attardés à ça dans le cadre d'études formelles et tout. Belle étude, quand même. Belle étude. Okay. J'imagine que le comité d'éthique a dû un peu chialer parce que c'est... Je sais pas si c'est vraiment éthique de faire ça. De payer le monde en plus pour le faire? Pour payer le monde en plus pour le faire. Genre, demain soir à 7h30, donnez-vous une période de sexe de X temps, puis après-demain au laboratoire, venez, on va vous mesurer vos performances et tout et tout. Ça, tu contrôles pas en plus quand t'as envie de le faire, mais faut que tu le fasses. Comment tu fais pour isoler cette variable-là? Ça a juste pas de bon sens. Donc, en fait, il n'y a aucune étude qui vient appuyer un peu le fait que sexe égale baisse de performance. Beaucoup de chercheurs qui se sont attardés à tout ce qui est force de préhension, l'équilibre, les temps de réaction, tout ce qui est capacité aérobique. Donc, il n'y a pas vraiment d'études qui viennent supporter la chose. Encore là, comme on disait, les études, c'est tellement difficile à isoler que dans le fond, c'est un peu impossible à prouver dans un sens. Il y a également, ça c'est mon argument anecdotique qui tant qu'à moi vient un peu confirmer la chose. En fait, je me base sur un article qui a paru en juillet 2012, donc l'année passée, juste avant les Jeux Olympiques. Dans le magazine ESPN, donc ça c'est du gros journalisme. C'est comme l'équivalent d'RDS, mais comme mille fois plus gros. Et voilà, gros, mais mille fois plus gros, qui ont publié un papier fleuve de je sais pas combien de pages, vraiment très très long à lire, mais super intéressant. En fait, c'est un papier fleuve sur les seconds Jeux Olympiques, si on veut. Ceux-là qui se déroulent un peu en parallèle des premiers Jeux Olympiques dans le village olympique. Donc là, ici, je vous laisse l'hamster un peu. Oui, ok. C'est ça l'affaire qui avait distribué des milliers de condoms. Là, et voilà, c'est là que ça vient. En fait, c'est un peu, on va le dire crûment, c'est un peu la gigantesque orgie à laquelle les athlètes s'adonneraient pendant la durée des Jeux Olympiques, les deux semaines et quelques que durent les Jeux Olympiques. Ce qu'on pourrait appeler la baisse de performance à la place de baisse de performance. Oh, le jeu de mots. Donc, ça serait... Tu prends ça en note, Jean-Philippe? Oui. Il y a une liste pour les palmarès, puis une liste pour les jeux de mots. Tellement. Il y en a une qui déborde, devinez laquelle. Donc, 70-75% des 10 000 athlètes qui sont présents aux Jeux Olympiques s'adonneraient à ce type de pratique-là, une pratique sexuelle qui est qualifiée de débridée dans le papier. Et ça justifierait justement les condoms. Tu dirais, il y a plus qu'une centaine de milliers de condoms qui sont distribués au début des Jeux Olympiques, et après ça, il n'en reste plus. Donc, on s'imagine que... À moins que les athlètes fassent une provision pour 4 ans, puis ils mettent de l'eau dedans, ils font des ballons de fête. Probablement qu'il y en a, mais en tout cas. Donc, c'est décrit dans le papier. Il y a également un livre qui est paru au début de l'année passée qui s'appelle Secret Olympian, écrit par Monsieur Anon, pas Anonyme, Anonymous. Ah oui, oui. Donc, qui confirme ces faits-là, qu'il y aurait justement une grande pratique sexuelle dans le village olympique, et que ça serait dans le fond les nationalités, les disciplines, tout le monde se met. Ça serait vraiment très éclaté. Sincèrement, je vous conseille de le papier. Vraiment, en fait, c'est juste des témoignages tout le long, là, mais c'est très, très drôle pour ça. Où que je vais en venir avec tout ça, c'est simplement que si le sexe abaissait les performances, les meilleurs athlètes au monde qui s'en vont aux Jeux Olympiques, on peut s'imaginer qu'il n'y aurait pas les performances qu'on connaît aux Jeux Olympiques si le sexe abaissait les performances. Ben oui. C'est un peu un mécanisme qui va ensemble comme tel. Comme je vous dis, c'est très anecdotique, c'est très broche à foin, mais vous en faites ce que vous voulez. Mais sympathique, voilà, il fallait que je la place. Donc, mon deuxième sujet, le Viagra comme aide à la performance. Chez les hommes, on s'imagine, Viagra pour femmes, ça n'existe pas encore. Non, c'est pas l'équivalent, ça? Un jour peut-être. Donc, en fait, comment ça pourrait aider la performance, c'est que ça ferait un effet de vasodilatation, donc ça ouvrirait les vaisseaux sanguins, il y aurait plus de sang qui serait pompé, plus d'oxygène aux muscles, donc meilleure performance en théorie. D'où ça vient l'idée? C'est un joueur, un ailier éloigné des Bears de Chicago, qui, à la fin du mois de novembre l'année passée, en 2012, répondait spontanément aux journalistes. Le joueur qui s'appelle Brandon Marshall répondait spontanément aux journalistes en disant « Ben, moi, je me dope pas, mais j'ai entendu que dans la Ligue, il y a certains joueurs qui prenaient du Viagra pour améliorer leur performance. » Donc, c'est pas illégal, rien, donc tu peux faire ça. Tu pourrais faire ça. Je sais pas si c'est sur ordonnance aux États-Unis, là, sildenafil que le Viagra, mais je sais pas. En fait, moi, c'est juste l'idée de penser à vraiment un vestiaire de joueurs de football ensemble. Tout le Viagra, c'est... Idéal pour le saut à la perche. Idéal pour le saut à la perche. Idéal pour le saut à la perche. Puis en contexte, ça n'a aucun ça sens. Ça n'a aucun sens, mais c'est bon pareil. C'est bon pareil. Donc, est-ce que le Viagra aide, dans le fond? Il y a des études aussi qui se sont penchées là-dessus. C'est qu'au niveau de la mer, ça ne servirait à rien. Pourquoi je dis au niveau de la mer? C'est qu'en altitude, il pourrait avoir des effets, le Viagra. Ça pourrait annuler les effets, tout ce qui est un peu de raréfaction d'oxygène. Là, je mets ça aussi en parenthèse, mais qui ont lieu justement quand on s'en va en altitude. Donc l'oxygène devient moins disponible pour le corps humain. Donc il y a des effets qui viennent avec ça. On sent moins d'attaque et tout et tout. Le Viagra, chez certaines personnes, chez des personnes qui répondent bien à ça, annulerait ces effets-là. Sauf qu'au niveau de la mer où les joueurs de football jouent, aucun effet, sincèrement, ça ne sert absolument à rien à part avoir du fun à l'extérieur du terre, si je peux dire. Ouais. Et ça ferait une belle pub. Oui. Et voilà, une belle pub avec le petit carré, le petit losange. Hot. Cette victoire du Super Bowl vous a été procurée par Viagra. ça pourrait. Donc, troisième sujet. L'exercice comme seul et unique stimulus serait suffisant pour provoquer un orgasme chez la femme. Et oui. Quand je dis comme ça, l'unique stimulus, c'est en absence de stimulation sexuelle, de fantasme, de pensée à caractère sexuel. Ce phénomène-là, on appelle ça le corgasm. Corgasm, on décortique le mot. Core, c'est tout ce qui est les abdominaux, le powerhouse, le plancher pelvien, si on veut. Gasm, bon, c'est un peu comme dans orgasme, c'est de là que ça vient. J'ai fait une traduction libre du terme. J'ai traduit ça par orgasme du noyau. Noyau orgasme. Orgasme du trognon aussi. ça, je l'aime bien particulièrement. Et bon, un peu plus classique, orgasme du tronc, mais quand même. Ouais, ça, on dirait que c'est comme très, très. Des biens scatophiles. Ouais, voilà, donc on va rester avec Corgasm pour le bien de cette chronique. c'est d'après une étude qui a été publiée l'année passée, en mars 2012, dans le Sexual and Relationship Therapy, qui est une revue évaluée par les pairs, donc un certain prestige, on peut penser à une certaine crédibilité. C'est les chercheurs qui ont distribué un questionnaire à 530 femmes âgées de 18 à 63 ans. Et sur les 530 femmes, il y a 370 d'entre elles, donc 70%, qui ont rapporté avoir une forme ou une autre de plaisir lors de la pratique d'activité physique. Donc, ce que ça fait dire derrière ça, c'est une forme de plaisir ou une autre, comme je vous disais, c'est sans en absence de stimulation sexuelle, de fantasme et tout, juste en faisant de l'activité physique. C'est le frottis-frottis? En fait, les chercheurs n'arrivent pas à l'expliquer. C'est pour ça qu'ils veulent faire d'autres études là-dessus. Oui, j'imagine qu'ils veulent voir d'autres études là-dessus. La seule conclusion un peu... Ah oui, entraîne-toi. Vas-y. La seule conclusion à laquelle ils sont venus, c'est simplement de dire que l'activité physique... Ben, en fait, la sexualité chez les femmes n'était pas nécessaire pour connaître le plaisir, que la sexualité n'était pas un prérequis nécessairement à l'orgasme. Cache cette étude-là. Non, mais que je ne saurais voir. Je ne suis pas vraiment attardé à toute la méthodologie, mais un questionnaire que tu distribues, je ne sais même pas si c'est fait par Internet et tout. Je pense que sincèrement, c'est vraiment trop exagéré parce que 70%... Ouais. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup de monde. Mais ça pourrait expliquer pourquoi les femmes veulent s'entraîner beaucoup plus de fois par semaine que les hommes. C'est bon, selon ce que j'ai vu. Oui. Tu devrais faire tout un devis de recherche et envoyer ça, te faire subventionner. Installer un miroir à double sens, mais tu vois juste d'un bar, etc. Puis regarder. J'étudie. Oui. Et voilà, tu cultives. Je me cultive. Voilà. Avec CUL au début. La recherche est parfois un peu bizarre pour ça. Mais sincèrement, là, j'ai pas fait le test de demander autour de moi parce que j'aurais l'air d'un vrai psycho. De vrai Mathieu Plante, c'est ça? De vrai Mathieu Plante. Mmh. Tu le feras, toi, Mathieu? Okay. Puisque tu, mais sincèrement, je suis sûr que j'aurais eu aucune réponse positive à ça. 70%, c'est vraiment trop élevé. Donc, pour les bénéfices de nos auditrices et auditeurs, peut-être, les activités physiques qui sont susceptibles de provoquer justement le corgasm. Donc, je vous les nomme. Il y aurait la musculation. Il y aurait le cyclisme ou le spinning, en fond, sur les bicycles de spinning. Il y aurait la danse à la barre verticale. Le pole dancing. Oh, voilà, mon Dieu, il a tout de suite fait le lien. C'est bon. et les plus susceptibles, ça serait les exercices pour abdominaux. Ah, et oui. Plus particulièrement, un exercice qu'on appelle la chaise du capitaine. Qu'est-ce que la chaise du capitaine? S'accoter le dos contre le mur et non, c'est pas ça. Non, non, ça c'est la chaise tout court. La chaise du capitaine, en fait, je vais vous laisser le googler parce que sincèrement, c'est un peu difficile à décrire, mais ce type d'exercice-là serait plus susceptible d'entraîner un corgasme. Donc, si vous voyez des demoiselles vous s'adonner à la chaise du capitaine de façon compulsive, vous savez de quoi il en retourne. Donc, quatrième sujet. Est-ce qu'on est plus ou moins susceptible de connaître des problèmes de santé sexuelle, on s'entend, en faisant du sport? Parce que dans le fond, le sport est bon pour la santé sexuelle. D'après vous, messieurs? Moi, je sais pas quoi dire. Moi, je dis que ça dépend. Ça dépend? Ouais. Parce que... Ça veut rien dire, ça non plus. Hein? Non, ça dépend. Je dirais que c'est... Non, mais il y a pas les cyclistes là, qui ont des problèmes de... Ah, il est bon. Ah, c'est... oui. En fait, règle générale, c'est que plus qu'on est physiquement actif, meilleur notre santé sexuelle est. Donc, tout ce qui est libido, quantité, qualité du sperme, dysfonction érectile, satisfaction sexuelle, la confiance en soi et tout, ça serait bénéfique pour la santé sexuelle. D'ailleurs, je suis tombé sur quelque chose hier même, que la qualité et la quantité du sperme seraient augmentées chez les personnes physiquement actives par rapport à celles-là qui regarde la télévision. Pourquoi tu me pointes là, Jean-Philippe? Mais parce qu'on a parlé de ça. Ensemble. Ah oui. Ah ouais, mon Dieu. Il suit. Mais ça, c'est règle générale. Il y a certains cas, justement, comme tu disais, entre autres chez les cyclistes, hommes et femmes, que, en fait, c'est la pression de la selle sur la région périnéenne, qui est tout ce qui est la région en bas de la ceinture, qui entraîne une compression nerveuse qui, elle-même, entraîne des parasthésies. Parasthésie périnéale. Donc ça, c'est des engourdissements et qui sont associés justement avec des dysfonctions érectiles. Donc en fait, c'est que le risque serait augmenté avec la pratique, puisqu'on fait de cyclisme, puisque ça serait augmenté, puis ça serait dû justement à la selle, le contact de la selle sur ça, okay. Et puisque la selle est étroite, donc on s'imagine que chez ceux qui font du vélo de compétition, cyclisme de compétition, de route, vélo de montagne, qui sont justement sur des petites selles, qui sont, ici je fais une petite parenthèse, parce que je suis moi-même cycliste, infiniment plus confortable qu'on puisse penser que les gros steaks qu'on achète chez Canadian Tire, ouais, avec full de mousse, là. C'est la mort, comme c'est pas confortable, là. Mais en fait, ça serait plus susceptible d'avoir des problèmes à cet ordre chez les cyclistes hommes et femmes avec ce type de selle-là. Okay. Moi, tu vois, j'ai vu des photos des cyclistes olympiques avec leur gros jambon à la place des cuisses. Ouais, des trop d'âme. Ouais, c'est ça. Que c'était peut-être à cause de la compression. De l'engin. Ah, aussi. Parce que aussi. C'est tellement des gros jambons que ça aplatit le matériel. Le zoui. Le zoui. Il aime pas ça quand on dit ça. Non. Oui, il adore ça. Ouais. Donc, ça c'est le premier bémol. Le deuxième, c'est qu'en fait, c'est simplement chez ceux qui font un excès d'entraînement, d'activité physique, d'exercice. Ça entraîne tout ce qu'on appelle la fatigue chronique, le surentraînement. Et ça, c'est dans le fond, comment je peux dire ça? C'est que les premières fonctions à atteindre quand on en fait justement trop, quand on est en surentraînement, ce sont les fonctions sexuelles. Pourquoi ce sont les fonctions sexuelles? C'est que c'est les fonctions les moins utiles, si on veut, chez les hommes et les femmes. Entre autres, ça, j'appuie ça un peu par le fait que chez les femmes, ce qu'on appelle la triade de l'athlète, justement, quand ils sont en surentraînement, c'est le premier symptôme. Les femmes perdent leurs règles. Donc, elles ne sont plus fertiles, elles perdent leurs règles, elles deviennent incapables de se reproduire. C'est le premier symptôme. Chez les hommes, c'est pas documenté, mais on peut penser également que ça serait la première fonction qui serait atteinte, dans le sens que les testicules ne produiraient plus de spermatozoïdes et tout. Donc, ça mènerait à une certaine infertilité. Donc, ça, c'est un peu les deux bémols. Dernier sujet, le sexe. Est-ce que c'est un moyen de se mettre en forme? Sincèrement, là, on entend souvent ça. Est-ce que le sexe, je peux me mettre en forme en m'adonnant de... 3 calories à l'heure ou je sais pas quoi, là, c'est un chiffre ridicule. C'est vraiment ridicule comme chiffre, c'est justement là que je vais en venir. En fait, est-ce que ça rencontre les directives en ce sens, les directives canadiennes? Dans le guide alimentaire. Dans le guide alimentaire, activité physique, est-ce que ça rencontre ces est-ce que Participation le recommande? C'est ça qu'on veut savoir. Et voilà, est-ce que Participation le recommande? Le gars avec la moustache, Participation, non? Okay. Catégorie sexe et substitut. Sans commentaire. Donc, dans le fond, j'ai fait l'exercice moi-même. Pour un jeune homme dans la vingtaine, pesant grosso modo 70 kg, de forme physique moyenne, grandeur moyenne, bref, dans la norme. Un homme générique. Un homme générique, voyez-vous, un homme prototypique, ce qui s'adonne à une partie de jambes en l'air vigoureuse. Donc, vigoureuse, on s'imagine qu'il se donne, c'est un chaud lapin, notre jeune homme, d'une durée de 1 heure. Là, ici, j'ai vraiment été très généreux parce qu'une heure, c'est long. En crime. D'ailleurs, je suis tombé sur quelque chose hier même également en faisant mes petites recherches. Un rapport en moyenne, ça dure 6 minutes. On l'a dit ça aussi tantôt. C'est dans les scientifiques, les sexperts. Ouais. Les sexperts. Sexperts. Disent entre 3 et 7 minutes, c'est la norme. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. En fait, c'est 10 fois moins que l'une heure que je mets. Mais bon, notre gars, c'est un athlète, c'est un chaud lapin. Il s'y donne. Ça dure une heure de temps. Il fait, en tout cas, il est dedans. Il est dedans. Donc, on l'appelle Jean-Philippe. Il s'appelle Jean-Philippe. Et voilà, voilà, on nomme personne ici, on pointe personne. J'arrête quand ça fait de la boucane. Quand ça te sort par les oreilles. Qu'est-ce qui sort par les oreilles? C'est pas important. Donc, en fait, ça donne une dépense énergétique de plus ou moins 200 calories. Équivaut grosso modo à une marche de 3 km/h, qui est une marche, une balade en fait. Là, c'est vraiment, mais vraiment pas vite, 3 km/h. Et ça équivaut grosso modo à 22% des capacités maximales qui sont sollicitées. Donc c'est vraiment pas beaucoup. À la recommander. C'est en fait, vous allez perdre du poids plus rapidement en coupant des légumes, genre. Ça. Ah oui. C'est con même. Puis en plus, quand tu coupes des oignons pour t'empêcher de pleurer, il faut que tu manges de la gomme. Fait que si tu manges de la gomme, tu coupes des oignons, là, tu perds du poids beaucoup plus facilement. Et voilà. Tellement la première fois que j'entends ce truc. Là, manger de la gomme. Mais pourquoi tu fais pas de la recherche, Mathieu? De vie de recherche. Rigueur journalistique, zone campus, comment? La fameuse gomme au bacon. On revient pas là-dessus, c'est tellement dégueulasse. On a oublié d'y en amener avec ça. Ah oui. Ah, vous avez pris la gomme au bacon? On divague, là. Ouais. Ah, ok. Je m'excuse. Monum. Non. Donc, ça, c'est pour la dépense énergétique. Mais est-ce qu'au niveau du renforcement musculaire des os, est-ce qu'on peut avoir également des bénéfices? Ben, si on fait une analyse sommaire, là, en fait, c'est complètement... On peut pas en avoir parce que probablement les masses musculaires qui sont impliquées sont pas assez conséquentes, si on veut. Sont pas vraiment grandes. Donc là, par masse musculaire, plus que masse musculaire d'impliquée, plus qu'une dépense qui est impliquée, plus qu'un renforcement qui va se faire. Ça, ici, c'est vraiment pas le cas. On s'imagine quand... Bon, ben, je vous laisse le petit hamster, c'est imaginer. Mais il y a vraiment pas beaucoup de choses impliquées. Et c'est également au niveau de la mise en charge. Quand on veut un renforcement au niveau musculaire, au niveau des os, il faut qu'il y ait une mise en charge, donc un certain contact, si on veut, comme quand on court, quand on marche et tout. Et tout, ce qui est vraiment pas le cas, à moins que vous soyez vraiment barbare ou que vous mettez ça dans le mur et tout, là. Mais c'est vraiment pas le cas. Donc, on oublie les dernières ça, pages du Kama Sutra. Et voilà, voilà. Ben, 64. En fait, ça m'emmène justement à ma conclusion sur le Kama Sutra. Ces chiffres-là et ces analyses-là sont basées sur des normes qui sont générales. Donc, position sexuelle qu'on peut s'imaginer tout ce qui est le plus prototypique. Donc, imaginez le missionnaire. Ouais. OK, ça, c'est vraiment prototype. La base. Par contre, si on sort de ce cadre très rigide-là et qu'on va explorer les aphorismes du désir, oui. Le Kama Sutra. Si on veut écouter l'émission d'hier. Et voilà. Comment que tu disais, il y a quelque chose ivre, la position du bateau ivre, une affaire de même. Oui, le bateau, je pense que c'était ça, non? Le gouvernail, bateau, capitaine ivre. Une capitaine ivre. Peu importe, si on s'adonne à tout ça, on peut s'imaginer que les dépenses énergétiques peuvent être peut-être un peu plus conséquentes. Ouais. Donc, si vous voulez vraiment maigrir, c'est ma fin de chronique, c'est ma leçon. Là, si vous voulez vraiment maigrir, eh bien, soyez créatifs, explorez, aventurez-vous dans des sentiers non balisés. Il va falloir sortir un guide d'une foulée à l'autre où tu mélanges justement le Kama Sutra, tes indices de vie, là, les micro-vies. Les ouais. micro-vies, ces points-là, puis donner des points à chaque affaire, peut-être des points pour la coupe du carnaval, la coupe de la GE, je sais pas quoi, comment il appelle ça. En tout cas, ouais, on pourrait tout mélanger ça, puis donner des points aux gens. Ça ferait un beau wrap-up. Effectivement. Encore des bonnes idées. Non. Encore des bonnes idées. Bon, je pense que t'as manqué ta vocation, Mathieu. Ouais. Donc, voilà, ça met un terme à ma chronique. Donc, donc voilà, adonnez-vous Kama Sutra. Ou faites de l'activité physique, bougez, dans le fond. Bah. Ah, il fallait que j'apparaisse à la place. Tu peux essayer, tant que tu veux, de m'inculquer la... En tout cas, si t'as pas compris à la fin, c'est pas faute d'avoir essayé. Il veut. La volonté est là, c'est la réception qui. C'est ma volonté. Je t'habitue. On me regarde tout le temps comme regarde fatigant qui nous. Non, ah, on trouve tout intéressant. Mais on était le héros d'assemblage requis, c'est clair. Il mime comme s'il était sur la croix. Là, t'es pas Jésus, par exemple. Non, pas encore. Donc, champ malice, parler de sexe, check. Et voilà. Voilà, j'ai toutes les abordées. Exister, contrairement à Jésus. Merci, Milodo. D'une foulée à l'autre, jeudi 7h30 toutes les semaines. Oui, toutes les semaines. Et bon, d'une foulée à l'autre.com aussi. Oui, bien sûr, site internet. Page Facebook. Sur Internet, là, sur dunefoulée-à-l'autre.com, tu as tous tes articles du Zone Campus. C'est des articles exclusifs que tu fais jamais à Assemblage Requis. Oui, et voilà. Des fois, je récupère un peu les concepts, je les emmène à Assemblage Requis. D'ailleurs, mon sujet la semaine prochaine va être un sujet récupéré, probablement. Merveilleux. Mais ouais. On s'en rend pas compte, de toute façon. Mais voilà. Faut aller les lire. L'important, c'est de les lire. Caroline, j'ai de la misère. Aller lire le blog après avoir écouté la chronique à la radio et après avoir lu dans le Zone Campus. Et voilà, c'est un complément. Mais, voilà. Mais pas trop, vous allez peut-être vous virer un peu fou. Expérience optimale. Expérience optimale. Est-ce que tu voulais insérer un autre commentaire pertinent tantôt, Jean-Philippe, et je t'ai coupé sauvagement? Non, non. Bon, laisse faire. À la place, je vais te dédier une chanson okay, qui va être en lien avec la chronique de Maxime. Okay? Oh, j'ai hâte de voir ça. Rouge Pompier, tu vois venir? Oui. Voici Paquet! Chose! Paquet de choses! Une toute! Oh! Note-la! Note ça! Note tout ce qu'on dit. Oh là là! J'aimerais ça avoir le transcript de l'émission d'aujourd'hui. Je vais te faire un PV. Merci. Yes! La route est longue. Rouge-pompier! Ah! Paquet! Chose. Est-ce que tu postillonnes dans ton micro? Peut-être. Une chose qu'on a des mousses, hein, parce que sinon, moi puis le postillonnage... Hein. Ça absorbe. C'est ça. C'est comme François Mascotte! Ah, hey. Il crache dessus, puis... Pauvre lui, là. Non, mais il c'est rendu, tellement là. Triste. Ah, je l'ai vu hier. C'est rare que je regarde la télé en français, puis là, j'étais comme... Ah, j'ai pitié de lui, pauvre gars! Il devrait faire une annonce de Scott Towers disant « Arrêtez de rire de François Mascotte! » Ça éponge mes larmes. Ah! C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On se retrouve tantôt avec la chronique de Jasmine Raymond-Drainville de la GQTR. Elle va nous présenter les plus récentes actualités et activités. Il y a aussi François Landry et Logocratie 101. Et lui, il va nous faire vraiment un plan de cours sur qu'est-ce que ça veut dire, Logocratie 101. C'est cool. C'est quand même vraiment. Blablabla. Ça vaut la peine. Blablabla. Moi aussi, j'ai la misère. Pour l'instant, on écoute l'Info Campus. Restez là. Hello. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce jeudi 7 février 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Oh oui! Et il est 8h06. Et ben oui! Juste un petit peu après 8h. Juste un peu après. Ça paraît pas. Non. Ça paraît pas. C'est pas si on dit deuxième heure, qui veut dire exactement une heure. C'est comme un sous-marin subway qui mesure un pied. Mais qui mesure pas vraiment un pied. C'est 11 pouces. Ouais. Bon, controverse ici. Pourquoi parler de Subway tantôt? Ah oui, c'est vrai, la fameuse... Les lèvres des femmes en Afrique qui pendent Avec des herbes. Avec des herbes. Ouais, c'était qui c'est que c'était au début de l'émission. Ceux qui arrivent à 8h devraient le regretter parce que les bonnes chroniques, ben, toutes les chroniques sont bonnes, mais mes chroniques à moi qui parlent de niaiserie, c'est au début de l'émission. À 7h. Vous ratez ça. Tu nous suggères une pièce dont on a créé un monstre? Oui, il fait froid dehors. Okay. Pourquoi pas se réchauffer? Avec brûle. C'est brûle! Donc on a créé un monstre. J'ai la flamme. Oh! Cette joke-là est brûlée. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! Avec mon nez de linge! J'ai mangé une crème brûlée. Ah, ok, c'est toujours le même mot brûlé. À la date, ça tombe en rond. Ouais. Un peu de réconfort pour terminer ce soir de mai. Un courant d'air siffle en traversant l'appartement. Pendant qu'un feu ravage le balcon d'à côté. Un air de ronde dedans alimente. S'éloigne lentement du toit comme des lucioles au dessus d'un champ. Il faudrait sûrement que je pense à descendre, mais la pesanteur me retient sur le divan. Un délire franchit le périmètre, je ne frissonne pas. Soufflant maintenant, je suis lucide. On a créé un monstre, la pièce brûle à Assemblage requis. N'est-ce pas merveilleux d'entendre ça? N'est-ce pas? Eh oui! N'est-ce pas? N'est-ce pas? Neige-ce pas? Neige-ce pas? Je le sais plus. Là. C'est pas nordique? Ouais, c'est ça. Hey! On va commencer la chronique de l'Odge UQTR. On vous expliquera ce qui arrive avec Jasmine juste après, mais c'est ça. Je vais... peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEQTA parce que l'AGEQTA, ça n'a pas d'âge. Yo, pro, pro. La chronique AGEQTA qui normalement est avec Jasmine Raymond-Dréville, mais notre pro, notre pauvre petite Jasminette. Il est arrivé une bad luck ce matin. Ouais, j'imagine qu'elle aimerait peut-être mieux que je la raconte pas au complet en ondes, mais elle dit qu'elle a échappé sa boîte à lunch à terre. Dehors, son plat de vide s'est cassé. Elle s'est coupée en ramassant puis revenue chez eux. Mais ça, c'est vraiment une mauvaise journée. Là. Ça commence très mal. Ouais. Un jeudi matin. J'espère que le reste de sa journée va aller mieux. On lui souhaite. On lui souhaite. Je compatis avec elle parce qu'à tous les matins, on dirait que je fais une gaffe. C'est vraiment le cas. Ouais. Désolé, voilà. Mais je suis tout le temps en train de faire des gaffes. Ah. Mes mains. Mes mains sont comme hors de mon contrôle, j'ai l'impression. Je pense que c'est la même chose pour Jasminette. Je vais l'appeler comme ça dorénavant. Ben oui. Parce que je trouve ça cute, je viens juste de réaliser que ça se disait. Donc bref, on va parler pour elle de l'Assemblée générale spéciale qui a lieu ce midi à la salle Rodolphe Mathieu du pavillon Michel Sarrazin. D'accord? Michel ouais. Sarrazin. Pour 10-12. Pavillon Michel Sarrazin. Donc, ordre du jour de l'Assemblée générale spéciale, c'est c'est évidemment la réunion de l'Assemblée générale spéciale de l'Association générale des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières. D'accord? Donc, ouverture de la réunion. Nomination du Présidium d'Assemblée, lecture et adoption de l'ordre du jour, position sur le sommet d'éducation du Parti québécois, avis de motion et fermeture de l'Assemblée. Donc, ça a lieu à midi aujourd'hui. J'aurais pensé qu'il y aurait plus d'informations sur la raison d'être de l'Assemblée générale, mais que voulez-vous? Mais vraiment, il a une prise de position. Exactement. C'est ça. C'est à la demande d'étudiants, oui, de gens qui ont demandé d'avoir une Assemblée générale spéciale. Il y a une levée de cours pour ça? Cet après-midi, si j'ai bien compris, si je me rappelle bien les informations qu'elle nous a données la semaine passée, il y a une levée de cours pour ça, il semble bien. Mais s'il n'y en a pas, si vous n'avez pas entendu ça ici. Non, c'est ça. Je pense que ça a été de demander à quelqu'un de la GEQ de nous en parler. Mais on voulait le mentionner, et comme on n'a pas les informations et que Jasmine n'est pas là, on voulait au moins vous rendre le service d'en parler à l'émission, malgré notre non-connaissance de cause. Donc, rendez-vous à la salle Rodolphe Mathieu cet après-midi, au pavillon Michel Sarrazin. C'est encore une fois, à quelle heure? Midi. Midi. On a compris. Le message est fait. Voilà, j'espère. C'est important. T'as fait ton devoir. Ben, j'ai fait mon devoir, j'ai fait ce qu'il fallait. Vous devez faire, vous aussi, ce qu'il vous faut faire, parce que c'est votre devoir en tant qu'étudiant de participer à l'Association générale des étudiants de l'UQTR. Voilà. Donc, on va retourner en musique à l'entendre Machine Gun Suzy, groupe de Québec, leur pièce Black Paper Horse. Après ça, on revient et on va chialer un petit peu dans la chronique tout le temps de quoi. Ben, ça fait du bien des fois, hein, entre gars. Ben, tu sais, à un moment donné, parler de belles choses. De paquets de choses. Black Paper Horse de Machine Gun Suzy à Assemblage Requis, 8h16. Mais, hein. Al, t'as-tu déjà été aussi confiant en disant l'heure? Ouais. Mais hein, qui est cette heure-là? Là, tu parles. Là, tu parles. Parle-moi d'informations pertinentes. L'heure. L'heure. Donc oui, vous êtes à Assemblage Requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. Ça, on dit de moins en moins souvent, mais ça reste le cas. Et vous savez, des fois, le matin, tu sais, des fois, on se lève. Puis ça va mal. Ça va pas bien. On échappe son pot de vite, on c'est bien, ouais. On cicatrise la main. Je veux pas te prendre de couper l'herbe sous le pied ou te prendre de court. Mais tu dis que t'étais gaffeux. T'es gaffeux le matin. Ah oui. C'était quoi ta gaffe ce matin? Ce matin, j'avoue, non, j'en ai pas. Non, c'était plus hier midi. Je me rappelle la dernière gaffe. J'avais deux pains au fromage pour faire mon sandwich le midi. Ça. Puis je mets les deux pains dans le four. Je les sors du four. Puis là, moi, mes mains sont tellement sensibles et gaffeuses. T'sais, que j'ai échappé un des pains sur genre le truc où on met la tente de ces fous, tu sais, la tente. Oui. Pas ma tente, la tente. Tente qui est traînée dehors dans la neige, sur le gazon, qui reste dans la pièce d'archivage où il y a des toiles d'araignée partout. Tu sais, mon pain est tombé là-dessus, tu sais. Mauvaise journée. Mauvaise. Ouais. C'était un pain à tout finalement. C'était plus juste un pain au fromage. Je l'ai mangé pareil. Ah, ben voilà. Après l'avoir essuyé, trempé dans l'eau. Fait bouillir. Au Javel. Au Javel. OK. Jasmine Raymond-Dreville s'est annoncée, va venir nous voir tantôt. À 8h30 environ, elle s'en vient. Elle et François Landry vont être présentes en même temps en studio. Donc, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est chialer un peu. Faisons ça. On aime ça parce que le matin, quand tout va mal, puis il y a tout le temps de croire. Il y a tout le temps de croire. La vie est faite de monde de bonne joie. Sans qu'il fait trop frais, sans qu'il fait trop chaud, sans qu'il fait trop tard, sans qu'il fait trop tôt. Tout le temps de quoi? Comme les choristes le disent si bien, il y a tout le temps de quoi. Je vais chialer un petit peu sur plein de sujets qui m'ont préoccupé depuis les dernières semaines. Là, vous savez, des choses vraiment importantes de la vie. Par exemple, on a déjà parlé depuis le début du mois de février, la chaîne qui s'appelait anciennement Mademoiselle de TVA est devenue Moi et compagnie. Ah oui. Comme le magazine de Patricia Paquin, tu sais. Je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, la chaîne Casa, en ce moment, là, s'appelait Les idées de ma maison télé. Est-ce que tu te rappelles de ça? Non. C'était laid comme nom. C'est très laid. Très. Les idées de ma maison télé. Tu rajoutes le mot télé derrière le nom du magazine, c'est pas beau. Mais ils voulaient faire une association entre deux marques pour essayer d'amener tout le public du magazine vers la télé. Bon, des deux marques. Donc, ils se sont dit, on va faire la même chose. On a dépensé des milliers de dollars pour faire un beau logo, du beau marketing rose et mauve pour la chaîne Mademoiselle, lancer ça en grande pompe il y a quelques temps. Puis là, soudainement, hop, on change, on devient moins compagnie télé pour un magazine. Je comprends pas l'idée. Moi, je me demande si ça va durer. Est-ce qu'ils vont revenir plus tard dans quelques années puis revenir à Mademoiselle? Je sais pas ce qu'ils vont faire. Puis, tu disais aussi que la programmation n'a pas changé, pas à tout. Ben, pas grand-chose a changé. Ils ont rajouté des émissions avec, justement, Chose, là, Patricia Paquin, quelques autres animatrices, là, Chantal Chose, là, avec les croyances de fantômes. Là. Oh! Bref, et là-dessus, plein d'autres vedettes comme ça, puis ils ont changé la vocation de certaines émissions, mais en gros, c'est la même chose. Ils jouent encore Friends, donc je les regarde pour ça. Ils jouent Friends en français, donc je l'apprécie, ça continue. Je suis bien content. D'ailleurs, si vous allez sur mlle.ca, le site de Mademoiselle existe encore. Ah, oui. Puis ça te redirige pas nulle part. Ben, en tout cas, j'ai tapé Moi et Si Télé, c'est parce que c'est CIE, puis j'arrive directement sur le site de Mademoiselle encore. Si je fais mlle.ca, non, encore le même site, mais ça dit en pop-up, MLLE devient Moi et compagnie télé. D'ailleurs, ils ont enlevé le télé avant que la chaîne embarque sur les ondes. Je l'ai regardé pour vraiment me mettre au courant de la programmation. Et de leur look qui est très très plate. Là. Je sais pas, ils ont joué comme, je sais pas si c'est l'idée des napperons, je sais pas quoi, mais c'est comme des rectangles qui s'embarquent un par-dessus l'autre de différentes couleurs, puis c'est comme un jeu de cartes, un jeu de napperons, c'est pas très très beau. Mademoiselle était tellement classe. Ouais, c'est un poste de femme, mais waouh, je trouvais ça vraiment bien fait. Puis on comprenait tout de suite, le Moi et compagnie, moi je peux me sentir interpellé, puis finalement, tu sais? Non, mais c'est ça, le nom Mademoiselle vient vraiment te dire la mission de la station, tu comprends. Mais bref, allez voir ça, allez voir la programmation. Si ça vous intéresse, tant mieux pour vous. Hein. Grand débrouillage aussi, je pense. Oui, et tout à fait, grand débrouillage jusqu'au mois de mars, là, dans le mois de mars. J'avais lu, il me semble, 10 mars, quelque chose comme ça. D'ailleurs, ça m'amène au prochain point, le mot compagnie. Là. Mm-hmm. Les gens vont tous dire moi ici. Là. Tout le monde dit moi ici. Ouais. Comme Maxi ici. T'sais, non, c'est compagnie, mais Carlin. Ça, je l'ai déjà dit dans cette chronique-là, mais Carlin, forcez-vous. Hey, ça va me tente d'écouter Friends sur Mademoiselle. Mais moi aussi. Pour vrai, c'est moi aussi. Moi aussi. Ha! Mais non, la traduction française de Friends, qui était diffusée à TQS, on se rappelle dans le temps, sous le nom d'Entre Amis. J'ai tendance encore à l'appeler Entre Amis parce que c'est j'ai commencé en français à le voir sous ce nom-là. Ça avait joué après ça à Série Plus. Et là, à Mademoiselle et ensuite à Moët & Compagnie, la tradition française est dans le cœur des Français comme quelque chose de très, très important. Tu peux pas changer. Je sais que vers la fin de la série Entre amis, ils avaient changé les voies de la distribution au complet. Il y avait une affaire de contrat, je sais pas trop quoi, ils s'étaient battus pour l'argent. Et puis, ils avaient changé toutes les voies, ou presque. Je sais pas, j'ai pas les détails là-dessus, là, mais ça a dû faire un choc. Ah oui, un vrai choc. On dirait que la voix de Ross est comme la voix de Bugs Bunny dans cette émission-là. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Bref, prochain sujet, c'est à la radio. Je sais pas si c'est la mode en ce moment. Ici, à C'est Fou, on le fait, mais d'un autre sens. Et je trouve qu'ici, à C'est Fou, on l'exécute très, très bien parce que Danny Janvier est un professionnel du montage de son. Vous le savez, c'est lui qui fait les montages sonores autour de la station dans les pubs. Et lui a un talent inné, c'est évident. Bon. Mais à la radio commerciale, puis à Musique Plus particulièrement, c'est de là que je l'ai vu, la maudite voix de... On a une voix normale, puis soudainement, ça devient une voix dans un haut-parleur vintage. Ah oui! Non, mais c'est parce que, revenez-en, là, chaque pub est de même. Littéralement, chaque pub. Avec la voix de Reg Laplanche, dont je me suis tanné il y a 10 ans. Ça, non, je sais pas, Musique Plus, qu'est-ce qu'ils ont dans leur pub? Je sais pas qui monte ça. Désolé à la personne qui le fait. Je veux pas vous offusquer, là. En même temps, ben, je suis en train de vous offusquer. Parce que je les aime pas, vos pubs. Bon. j'ai regardé la télé encore une fois. On dirait que j'ai fait du zapping francophone depuis quelques temps. Je sais pas pourquoi, juste pour me remettre au courant. Le blues de février. C'est ça doit être ça. La pitié. Je voyais des pubs à Évasion. Leurs pubs sont bien. J'adore leur logo depuis quelques années. La fille qui voyage partout. Là. La fille qui voyage partout. T'es au courant. Ah. Et le logo d'Évasion est cute avec un petit avion de papier. Changez-le jamais, votre logo. Il est parfait de même. Essayez pas d'en acheter un autre. Non, il est parfait. Bon. Mais bref, leur site web pour leur boutique en ligne est évasion.tv /boutique /1/ligne. Votre webmaster n'est pas capable de faire un redirect sur évasion.tv /boutique. Puis je pense qu'on sait qu'il est en ligne étant donné que c'est une adresse Internet. Fait qu'à précise-moi pas. Non. C'est comme me préciser que c'est une émission du matin en me disant bien meilleur le matin. T'sais. Ouais. On a déjà dit ça. Mais je le sais, on est le matin sur mon cadran. Ah, dernière nouvelle. Fait que non, évasion.tv /boutique serait en masse. Ouais. Next. J'ai vu sur un dictionnaire récemment, je dirais même pas lequel, parce qu'ils ont un petit lien avec nous autres des fois, une fois de temps en temps. Mais bref, sur leur dictionnaire, ça dit qu'ils ont des définitions, ils ont des synonymes et ils ont des contraires. Synonyme et contraire. Synonyme. Synonyme et antonyme d'habitude, je trouve. D'habitude, oui. Contraire, c'est comme la description. Tant qu'à ça, dis-moi des pareillitudes puis des contraires. C'est la même affaire puis des contraires. Ça va être constant. Sinon, dis-moi synonyme, antonyme. Je comprends pas. Tu sais, en même temps, même dictionnaire, il y a quelques années, et ça, j'en ai déjà parlé, je me répète, mais quand même, ça vaut la peine. C'est un dictionnaire de la langue française. Puis il y a un autocollant qui dit dessus de regarder en arrière sur le sticker. Oh! Je comprends que ça se dit peut-être en français sticker, mais c'est un dictionnaire force trop marque autocollant. Ouais. Je sais pas. C'est peut-être juste moi. Regarde sur le back, le sticker. Regarde sur le back du front du sticker de ton dictionary. Please. Please. Ah oui, le maudit bouton veille sur le clavier, là. Pourquoi est-ce qu'il y a encore ça, là, le bouton veille? Tu t'enfermes tout le temps dans le maudit bouton veille, là. Oui, c'est vrai. Si je veux me mettre en veille, je vais cliquer sur le bouton arrêter, je vais faire veille. C'est tellement... C'est clair qu'il manquait juste un piton, là. Et au fait, aïe, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui, là, sinon ça ne fit pas. Oh, non. Mais veille, là. Personne ne va s'en rendre compte. C'est dégueulasse. Ouais. Parce qu'après ça, il faut que tu le réveilles, ton ordinateur. Puis là, c'est long, tu perds du temps. Ah, c'est long. C'est long. La vie elle-même. Next. Sticker. Les sacs à dos pour femmes, je comprends pas pourquoi ils doivent spécifier. C'est marqué sur le sac à dos, ok? Je voyais ça dans un magasin, il y avait un sac à dos. C'est marqué women ou genre for her, ou je sais pas qu'est-ce qui était écrit, mais c'était clairement marqué genre pour elle sur le sac à dos. Mm-hmm. Si la femme veut l'acheter, puis qu'il est mauve ou qu'il est rose ou peu importe, ça peut être autant une femme qu'un homme qui va l'acheter. Fais-moi pas genre me sentir comme si je pouvais pas l'acheter en marquant que c'est pour femme dessus. C'est pour femme. Tu sais, c'est comme n'importe quoi d'autre, là, je veux dire, manteau. Le manteau, girls, c'est marqué girls dessus. Si, mettons, le gars veut porter ce manteau-là, qu'il soit pour gars ou pour fille, on s'en fout, c'est pas... Non, c'est surtout un sac à dos, c'est unisex, là, un sac. Exactement, à dos. C'est quoi, y a-tu une petite pochette à tampons? Ben, je vais mettre un crayon dedans. Non, j'ai pas besoin. Un marqueur. Un marqueur, oui, pour marquer avec ma règle. Règle. Mais c'est peut-être il y a peut-être une strap à boobies. Booby strap. Booby strap. Hey, c'est comme booby trapped. Dans les films, quelque chose des booby traps, ça veut dire que tu les touches et ça explose. Ouais. J'adore ça. C'est en tout cas. Bref. J'essayais de ça peut de comprendre. Être booby, ça peut être des pectoraux aussi, là, je veux dire non, c'est sexiste. Sexiste outrage. Outrage. Mensonge. Foutaise éthique journalistique. ensuite, prochain sujet, le poulet. à l'épicerie, OK? La marque, je vais même dire la marque parce que c'est comme la seule marque de poulet qu'il y a à l'épicerie de toute façon, fait que je pense que vous allez comprendre. La marque Excel d'or. Tu sais, Excel d'or, il y a Prime, il y a Excel d'or. Bon. Ils ont un nouveau logo qui s'en vient bientôt, un nouveau look en fait. Oh. Fait qu'il y a un petit sticker sur chacun de leurs foutus poulets qui dit nouveau look bientôt. Vous me le direz quand il sera rendu votre maudit look parce que j'en ai rien à cirer de votre maudit look là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le poulet. C'est le poulet. Puis votre nouveau look, je suis sûr qu'il va être bien beau quand il sera sur les tablettes. T'sais? Il y a plein de petites pancartes qui disent nouveau look bientôt, notre des petits autocollants. Combien d'argent qu'ils ont dépensé pour nous dire que bientôt il y en a avoir un nouveau look? Non, moi, ça me. Non. Puis le poulet, lui, toujours pareil. Toujours pareil. Nouveau look. Nouveau look. Il y a du gros lipstick, ça va. Il est moins blême. Il est allé dans le sud un peu. Ah, il y a un tan. Oui. Il y a un petit tan, le poulet. C'est beau. Et puis, évidemment, ben, t'sais, la dernière et non la moindre, on s'en fout, là, mais t'sais, la nouvelle Gaillette, là. La diète pour gars là, dans la pub de Je m'appelle pas trop quelle affaire, là, t'as vu ça? Ah, je suis tellement content que tu gèles de ça. Mais Gaillette, ça marche même pas. Non, mais cette annonce-là est un flop, là. Ben vraiment, puis diète de gars, ça a arrêté bien correct. Pas besoin de me dire Gaillette. Gaillette. Ça en dirait le nom de famille, genre. Ben, c'est ça, ça me rappelle un nom de famille. Un jour, je trouverai le CD. Il doit pas être là, hein. C'est pas ce que tu cherches. S'il était là, je le trouverais. Caroline, il n'est pas là. Mais. Il y a un autre jeu de mots plate, il me semble, dans cette annonce-là, de Gaillette. Là, tu m'aides pas du tout. Sûrement pas. En te laissant la parole à toi tout seul. Bon, OK, mais qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre sur cette annonce-là? Elle me fait chier. Elle me fait chier, bon. Voilà. Tourne, ne prends pas ça par quatre chemins avec le dos de la cuillère, là. Hein? Voilà. Je me suis mis dans l'ôle aussi du gars fâché, même si j'étais très heureux. Du gars tout à l'heure. Fâché. Ouais, du gars. Bon. Bref. Je vais prendre un Pepsi, là, ça va me... Diète. Va... Oui, c'est ça. Ça va me... Ah, oh, j'essaie de faire un jeu de mots, puis ça a floppé. On va couper sur montage, pas grave. Ouais. En hommage à la Gaillette, voici Tabac d'orchestre des frères Gaillette. Oh. C'est ce qu'on cherchait tantôt? C'est ce que tu cherchais? Je sais pas pourquoi j'ai pas allumé. Ouais. Il est vrai que mon chant est mûr, mais ma face est longueur. Les bombes y font pousser de la véritable bombe. Des traces de l'arrière. Des gros galoches qui rôdent, fréquentent mes tournesols. L'armoire à glace qui porte très bien la camisole. Et leur pose vers son menteur. Dans la nuit, évite les pièges à ours, les fusils. Coupe l'herbe sous pied du camoufle mon sabotage. Les grosses chaudières de chlore contiennent ce qu'il faut de courage. Je coupe les racines d'un mirage. Je pourrais tirer vengeance dans la nuit. Évite les pièges à ours, les fusils. Coupe l'herbe sous pied du du bandit. Au retour dans la chronique Logocratie 101, ben on va comprendre pourquoi qu'elle s'appelle de même, hein? Enfin! À l'assemblage Ricky, restez là. Assemblage Ricky pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Lundi. À assemblage requis. Simon Fitzgay viendra commenter l'actualité à sa façon dans son éditorial « Simon Lumière vous déplaît ». On parlera d'art et spectacle avec Alexandra Carignan et le temps d'une culture et on commencera notre série de reportages sur UQTR en spectacle dans la série Université en spectacle en parlant avec le comité, ça c'est lundi, 7h. Beau, hein? C'est beau, hey, t'as tellement bien fait ça. La France n'est même pas écrite en ça. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 9h. 8h35 minutes en ce jeudi 7 février 2013. Jean-Philippe Charbonneau. Et c'est moi, Mathieu Plante. C'est toi, Mathieu Plante? Hein, le Mathieu Plante! Yeah! Pas le gars en histoire qui s'appelle Mathieu Plante aussi, là. Non. Ça m'a bien fait. Oui, bravo aussi. Bravo! Bravo à tous les Mathieu Plante, en fait, hein? Oui, bravo. Ça va faire. On accueille le François Landry. Wouhou! Yeah, la vague! Toute la quête, Cressel! Triangle, c'est David et Télé, frère. Ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting. Voici Logocratie 101. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Gangster. Royal. Gangster. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Bon matin, François Landry. Bon matin, Mathieu Plante. Ça va? Oui, très bien. Oui, en forme, en forme, en forme. Il faut. Assez pour faire ton wouhou. Et aujourd'hui, on démystifie un sujet, en fait, que la question nous est posée fréquemment. Oui, j'ai vu ça sur toutes vos multiples plateformes. Hashtag Logocratie. Hashtag Logocratie. Oh, ben, je vais être le seul à l'utiliser. Donc, les gens se demandent, le nom de ta chronique, c'est Logocratie 101 depuis le début de l'émission en 2009. Ouais, 2010. J'ai sorti ma première feuille hier. C'est en 2010. Ah, t'as peut-être pas de nom, hein? T'as peut-être juste une chronique politique. J'avais une chronique politique. Exact. Parce j'ai que changé avec... Je sais, la première semaine à l'automne 2009, t'étais là. T'avais peut-être pas de nom de chronique. Ouais, je pense que c'était juste politique. Ou parlons politique avec François, ou sur l'oreiller avec François. Je sais pas. Bon vieux temps. Bon sur vieux l'oreiller, temps. Entre les couvertures avec François Landry. Donc, Logocratie 101, on se demande tous qu'est-ce que ça veut dire. Oui, parce que la semaine passée, tu m'as remis la puce à l'oreille quand je t'ai demandé à brûle-pourpoint comme ça qu'est-ce que la logocratie, et tu m'avais donné la définition que je recherchais. C'est faire la langue de bois, c'est dire des choses un petit peu n'importe comment pour essayer de convaincre les gens quelque chose, mais ça veut vraiment rien dire. Ça, c'est la langue de bois. Ça, ouais. C'est la langue de bois. Il y a la, faut départager logocratie et langue de bois. Okay, c'est la langue de bois sert la logocratie. Okay. Mais la logocratie n'est pas nécessairement la langue de bois. Un rectangle n'est pas un carré, mais un carré est un rectangle. Ouais, en tout cas, ça, je suis plus bon là-dedans, là, mais c'est ça. Clairement. Donc, la logocratie, c'est un régime idéologique où règne une parole officielle, une vérité officielle constituée de phrases, slogans ou de discours prophétiques. Le langage ne sert pas qu'à dénommer une chose, mais il sert à instrumentaliser les choses. Donc, à donner. C'est un instrument de pouvoir où la domination doit régner. Donc, le terme fait en général référence à un régime totalitaire. On s'en doute, hein, parce que... Quoique, des fois, dans la démocratie, la langue de bois est aussi omniprésente. On appelle logocratie les régimes où le pouvoir émane du logos, donc du verbe, de la parole divine et révélée. Donc, on peut penser à la Bible, le Coran et tout autre livre que je suis certain que vous avez tous lu une fois dans votre vie. Dans la série des romans. Des romans arlequins d'antan. Exact. Que seul le représentant de Dieu sur Terre est capable d'interpréter. Et qui devient la loi divine, donc la charia, exemple pour l'islam. Un pays concret qui utilise la logocratie, c'est l'Iran, présentement. Seul l'ayatollah ou le président Ahmadinejad a le droit de... Son vocabulaire, c'est le vocabulaire du peuple. Donc, ce qu'il dit, c'est « apprendre pour du cash ». Ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Un exemple plus concret encore, parce que l'Iran, c'est pas tout le monde qui sait c'est où sur le map monde. La dictature de Big Brother... Dans l'excellent livre 1984 de George Orwell, oui. C'est une logocratie. Donc, l'association Julie Chen qui anime l'émission Big Brother. aussi ça vient d'en haut, j'imagine. Oui. La chatbot, là, elle anime comme robot. Oh, oui, non, c'est pas fameux. C'est un régime dans lequel l'ordre est avant tout maintenu par l'idéologie et un contrôle de la pensée de chaque citoyen qui s'appuie sur une nouvelle langue, donc la novlangue. On s'en souvient tous, là, les mots contractés, puis c'est à chaque parution du dictionnaire, il est raptiste, alors que les mots sont contractés. Fusion. Fusion. Maintenant, ça, c'était la logocratie. Donc, c'est le logos, donc le verbe au pouvoir. Donc, le pouvoir de par la parole. La langue de bois qui sert les régimes logocrates, c'est un discours parlé ou écrit, convenu, figé, incantatoire, délivrant un message coupé de la réalité et qui n'apporte aucune information nouvelle ou intentionnellement truqué, voire manipulatoire. Ouais. L'origine de la langue de bois, maintenant. On pense la langue de bois, ça doit être québécois, ça. Et non, c'est une expression russe. Hein? Russe, ouais. Rouski. L'expression « langue de chêne » était utilisée avant la révolution bolchevique pour qualifier la bureaucratie tsariste. Ah. Donc, c'était une monarchie à l'époque, puis il y avait trop de trucs. Puis on sait, la Russie, c'est le pays des chênes, c'est comme au Québec, les Érables. Bon, voilà. Bon. C'est pour ça que ça viendrait de là. Nous, au moins, j'imagine qu'eux, au moins, mettent la bonne feuille sur leur billet. J'espère, oui, c'est même c'est... pas l'érable qui non. Dessus, non, non. C'est vrai, ça. C'est la manipulation. C'est la manipulation. De faire mais croire aux arbres. Pour faire une parenthèse, t'as vu la justification de Banque Canada? Non, non. Mais ils ont dit qu'ils ont fusionné toutes les feuilles d'érable qui existent. Puis en tout cas, que là, ça a donné naissance à cette feuille d'érable. C'est de la langue de bois, ça aussi. C'est de s'excuser en disant que c'était de même que tu voulais le faire depuis le début. Voilà. Ouais. C'est une forme, exactement. T'as très bien compris. Donc, c'est devenu la langue de bois par ensuite sous le régime de l'URSS. La langue de bois est maintenant une forme d'expression employée par les hommes politiques, on s'en doute, les responsables d'entreprise, les technocrates, tout ça dans le but de 1. Masquer une absence d'informations précises, donc on veut toujours demeurer vague, éviter de répondre à des questions embarrassantes. Ça, j'aime ça voir les scrums des journalistes à la sortie du Parlement. Que pensez-vous de « Ah, mais il faut considérer que dans l'éventualité... » hein? Ne pas attirer l'attention sur un argumentaire défaillant, parce que Dieu seul sait que sur 125 députés à Québec, il y en a au moins 125 qui ont un argumentaire très défaillant. Dissimuler une vérité désagréable tout en feignant de la décrire. Cacher des objectifs réels inavouables. Donc, on coupe des dépenses publiques, mais dans le fond, c'est pour s'en mettre plein les poches. Mm-hmm. Mais on veut pas le dire de même. Hein? Faire adhérer à une idée en donnant l'impression de s'intéresser aux préoccupations du plus grand nombre. Comme la gouvernance souverainiste, une conversation nationale. Mm-hmm. Ça, c'est notre chère Pauline Marois qui avait inventé ces termes-là pour dire que j'en veux pas de souveraineté. Et imposer une idéologie ou une vision du monde. Ça, c'est plus dans les régimes autoritaires, genre américains, là. Hein? Ouais, ouais. La langue de bois se reconnaît à l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes. La complexité du style, le flot de paroles inutiles dans le but de noyer l'auditeur, la confiscation de la parole et absence réelle d'échange et une vision binaire, voire manichéenne de la réalité. Binaire, c'est oui ou c'est non, c'est noir ou c'est blanc. C'est exactement. Vous êtes pour ou contre nous, il n'y a pas de zone grise, et etc. Et là, pour les auditeurs qui entendent la langue de bois, vous êtes classifiable dans 3 catégories. Okay. Moi, j'ai déterminé dans laquelle j'étais. On va faire un petit jeu ici. Oui. J'en ai même un autre à la fin si vous êtes gentil. Oh. Là, on devrait avoir du fun dans l'autre. La première catégorie, donc, vous êtes une personne qui comprenait rien au discours langue de bois et pensait que ceux-ci sont d'un niveau intellectuel trop élevé pour élitiste. Vous. Élitiste. Démontrant ainsi l'incroyable aptitude de ceux qui le prononcent. Wow, ça me ressemble un peu, ça, là. Vous buvez les paroles des politiciens? Je sais pas. Non, moi, je refuse. Hein. Je refuse. Okay, t'es pas dans la première catégorie? OK, peut-être dans la deuxième. Vous disséquez les discours aux langues de bois et votre ego, pseudo-intello-élitiste, vous permet d'en extraire le sens profond, ce qui procure en vous un sentiment de supériorité d'appartenance à une caste spirituelle hors du commun. Je suis François Landry. Non, moi, je suis dans l'autre catégorie. Ah ouais. Oh, wow. Non, ben, tu sais, dans cette catégorie-là, c'est ceux qui, justement, se flattent le menton et disent « Ouais, c'est bon ce qu'il dit. » C'est genre Elvis Gratton, là. Ah, ouais. Okay. Lui, tout ce que Trudeau disait, c'était de l'or en barre, mais il comprenait absolument rien à ce qu'il disait. Bon, la troisième catégorie, là, j'ose espérer que tout le monde ici dans le studio est dans celle-là, c'est vous lisez attentivement les discours langue de bois et vous comprenez qu'il s'agit de généralités qui peuvent avoir un sens pour celui qui se donne la peine d'en trouver un, mais qui en réalité n'ont aucun intérêt si ce n'est celui d'embrouiller votre esprit ou de vous donner l'illusion d'entendre ce que vous voulez entendre. Donc, c'est ceux qui savent lire entre les lignes. Oh, ouais, hein? Tu lis un texte, tu dis pas sûr, moi. J'aime penser que je serais dans cette catégorie-là, mais je sais pas si je réussirais vraiment à décoder. Fais un test, voir. Ça vient avec le temps, j'imagine, avec l'habitude, quand t'écoutes beaucoup de discours comme quand ça. Quand tu connais, ben, comme toi qui est un geek informatique, quand Nintendo sort une nouvelle console, c'est la révolution. Ouais, okay, tu dis, ouais, pas sûr, moi, j'ai déjà c'est vu autre chose ailleurs. Là. Ouais. Bon, t'as déjà l'esprit critique. Ouais. Tandis que, sur la première catégorie, Nintendo dit ça, ça doit être vrai, je m'en vais l'acheter, mais on va faire la file au Future Shop demain matin. OK. Hein? C'est eux autres. Je commence les deux parce que je suis allé faire la file chez Walmart. OK, t'es dans la catégorie 1.5. Okay. Hein? On invente la catégorie Mathieu. Merci. Il y a des exemples de mots de langue de bois qu'on a créés afin de détourner le sens original. Le mot austérité, on entend ça souvent. Hein? C'est un la situation économique est très austère, blablabla. Mm-hmm. Donc, ce que ça veut dire en réalité, c'est qu'on serre encore plus la ceinture pour qu'enfin les nantis puissent se servir. Et entretenir leur yacht. Ça, c'était l'exemple qu'il donnait. La compétitivité des entreprises. Ça, on entend ça régulièrement. C'est une arme pour écraser les concurrents, pour les salariés travailler plus tout en étant moins payés. Ouais. Déréglementation. On veut déréglementer les marchés. C'est tout simplement qu'on veut imposer la loi de la jungle. Le plus fort l'emporte. Dommage collatéral. On entend ça de ces temps-ci au même. Il y a Machin, entre autres, chante ça. Oui, oh, oui, c'est une très bonne chanson. Puis partout dans les guerres, c'est un dommage collatéral. C'est une expression pour dire que l'armée a fait une bavure et a massacré des innocents. T'as-tu du monde qui était pas supposé mourir, mais c'est par association, parce qu'il était proche. Et voilà. C'est de leur faute? Oui. Il y avait rien qu'à pas courir après. Il y avait juste à pas être là. Ben bon. Oui. Pays en voie de développement. Oui. Il me semble que j'entends ça depuis que je suis petit cul. Okay? Ça fait 30 ans qu'ils sont en voie de développement. C'est toujours les mêmes. Ils sont en train de se développer. On s'entend-tu que c'est des pays pauvres? Ouais. Admettons-le, ce sont des pauvres. Tiers-monde. Ouais, tiers-monde, c'est exactement. Il y a le tiers-riche, le tiers-moyen, puis le tiers-monde qui est l'autre. Et la productivité, le dernier exemple, ce qui peut encore être amélioré par des réductions d'effectifs. Mmh. Hein, être plus productif. On licencie du monde, on va être plus productif. C'est efficace, on se centre sur le... Oui, ouais, voilà. Mais ça, c'est à cause du contexte économique actuel. d'un régime austère, de compétitivité, où la déréglementation devrait régner. Oh. Mais tu m'amènes justement, on a fait une phrase, mais je vais vous dire maintenant des phrases pour voir votre grincement dedans. Yeah. Écoutez ça, je vais essayer de décortiquer parce que j'ai absolument rien compris moi-même. La force et la richesse de la diversité permet la reconnaissance absolue d'un seul vrai recours qui dit qu'il faut faire son devoir au quotidien. Ça, c'est des exemples concrets que j'ai pigés dans les dans les journaux. Là. Des vrais. Des vrais. Wow. OK, on n'a rien compris? Non. On passe à un deuxième. L'effort indispensable de défense doit être au centre des débats d'un progrès considérable soutenu par l'entente des différents partenaires sociaux. Et je saigne du nez. Trop de mots dans la même phrase. Ouais. Et la dernière, qui est la plus récente, c'est la ministre, l'ancienne ministre Vien qui l'avait dit. C'est une pierre supplémentaire dans un processus d'amélioration continue. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne, certain. C'est pas pire. Pierre Aurin. Ça doit être Pierre Aurin. J'arrive au petit jeu. Ah, un jeu? Je vous ai préparé une feuille. Vous avez photocopié des feuilles, toi? Ouais. Oh. Ah, oui. OK. C'est un petit jeu, OK? C'est l'École nationale d'administration publique en France qui a publié ça. Même le nom, c'est pas ce qu'il veut dire, ça. Ouais. C'est des futurs fonctionnaires. Okay. C'est, donc, on leur enseigne comment parler la langue de bois à ces fonctionnaires-là. Wow. Puis c'est pas des farces, c'est sur leur site Internet. Donc, allez voir ça sur Google, générateur langue de bois, puis vous tombez sur leur site. Mal. Donc, pour les auditeurs, on a devant nous un tableau avec 4 colonnes et plusieurs lignes. Colonne 1, 2, 3, 4. Donc, dans la première colonne, c'est le début de la phrase. Colonne 2, la deuxième partie, troisième, quatrième partie. Donc, on prend n'importe quel terme de la première colonne qu'on jumelle avec n'importe quel terme de la deuxième colonne, et ainsi de suite, et ça forme une phrase creuse. Donc, Mathieu, à toi l'honneur, tu commences. Je l'apprends au hasard. Je tiens à vous dire ici ma détermination sans faille pour clamer haut et fort que l'aspiration plus que légitime de chacun au progrès social a pour conséquence obligatoire l'urgente nécessité d'un plan correspondant véritablement aux exigences légitimes de chacun. Oh Mathieu, c'est tellement beau ce que t'as l'air tellement intelligent. Je me sens fier de moi. Ouais, là. Hein? Ouais. Écoute, Jean-Philippe, allons-y. Et ce n'est certainement pas vous, mes chers compatriotes, qui vous me comprenez. Attendez un peu. Contredit. Non, mais je suis pas habitué. Je suis pas habitué, puis j'ai pris comme la plus grosse case en plus. Et ce n'est certainement pas vous, mes chers compatriotes, qui me contredirez si je vous dis que l'aspiration plus que légitime de chacun au progrès social doit prendre en compte les préoccupations de la population de base dans l'élaboration d'un plan correspondant véritablement aux exigences légitimes de chacun. Wow! C'est beau! Je suis vraiment allé compliqué. Mais tu l'as eu à la fin. Oui, merci. Jasmine! Hey, c'est à moi! Donc, bonjour en passant. Bonjour, bon matin. Je suis là. Donc, je vais faire une politicienne de moi-même. Hein? J'ai depuis longtemps, ai-je besoin de vous le rappeler, défendu l'idée que l'acuité des problèmes de la vie quotidienne conforte mon désir incontestable d'aller dans le sens d'une restructuration dans laquelle chacun pourra enfin retrouver sa dignité. Wow! C'est beau. J'ai rien compris. J'aime celle qui commence par « dès lors ». Dès lors, sachez que je me battrai pour leur admettre que la volonté farouche de sortir notre pays de la crise conforte mon désir incontestable d'aller dans le sens d'un processus allant vers plus d'égalité. Hein? Je voterai pour toi. Voterai pour moi, mais... Je voterai pour chacun d'entre vous. Ah, écoute, moi, j'adore ce tableau-là. Et il y a, sur le site, vous irez voir, on peut créer des phrases de même, on rentre des mots, puis on peut générer des faux textes. Et Mathieu, je voulais te faire un gag, mais je suis tombé sur la seule partie sérieuse du site. C'était comment faire un CV. Oh. Avec des phrases creuses. Okay. Mais le CV était trop beau. Quand je l'ai sorti, je dis non, Mathieu, il pourrait se trouver une job avec celle-là. je voulais rire de toi carrément. Mais ça n'a pas marché. C'était un vrai générateur de CV. Donc tu rentres ton nom, coordonnées, tout ça, puis ça t'imprime un curriculum vitae. Donc, wow. Allez voir le site et il y a plusieurs petits autres sites de même générateur de langue de bois. Et on cherche générateur de langue de bois et celui-là venait de l'École nationale d'administration de la République française. Voilà. C'est sorti pour les élections en 2007 du président Sarkozy parce qu'il voulait voir si le président était pour utiliser ces phrases-là. Et pas lui, mais son entourage ont utilisé ça dans leur discours pour se faire élire. C'était des prix qu'ils croyaient prendre. Voilà. Donc, c'est ce qui fait le tour un peu de ce qu'est la langue de bois, ce qu'est donc la logocratie. Donc, le seul conseil que je peux vous donner, c'est que nous vivons tous dans une logocratie. Il faut juste être assez intelligent pour le savoir et s'en rendre compte et surtout démystifier les petits caractères, surtout l'entre-ligne de chaque texte parce que se faire fourrer, ça fait mal. Faire la part des choses et maintenant, j'allais dire, on sait austère. C'est austère. Oh. Austère. Oh oui, j'ai compris. Steinberg. Bon, Steinberg. Oh, c'est fermé. Oui, c'est fermé. C'est la nouvelle du jour, scoop. Hey, on est sur la nouvelle, là, c'est fou. Merci, François Landry. On va mettre cette chronique de côté. Ça me fait, dans un éventuellement plaisir, dans mon cœur du dedans, de te remercier du fond de moi-même. Dans mon livre à moi. Oui, dans mon livre à moi. Super. Merci, François Landry. Nous, on va transitionner rapidement. En fait, je pense qu'on a le temps d'écouter une petite pièce très, très courte de Ringo Death Star, RIP. Après ça, la chronique de la GEQTR, on va parler un petit peu de l'Assemblée qui s'en vient. Ça va être une micro-chronique, là, une vraiment bébé chronique. Une micro-nique, ça va être comme... Normalement, j'aurais été là à 8 heures. Ouais, c'est ça. Mais là, j'ai gaffé, fait que je suis arrivé plus tard. Donc, on va en parler tantôt. Mais sachez que je reste persuadé que cette musique... doit s'intégrer à la finalisation dans de la base. Un processus qui a pour obligation l'urgente nécessité d'entendre de la douce parole dans nos oreilles orbitales autour de la tête des auditeurs. Assez fou. La pièce RIP de Ringo Death Star à Assemblage Requis. Il nous reste encore quelques minutes On va accueillir Jasmine Raymond-Réville pour une minuscule chronique de la GEQTR, mais ça mérite quand même que je chante une deuxième fois. Ah, je quitterai, ah, je quitterai, ah, GEQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à la GEQTR, parce que la GEQTR, ça n'a pas d'âge. Yo, pro, pro. Ça nous aurait sauvé 5 secondes de pas la jouer, ça valait pas la peine. Salut Jasmine! Salut! T'as passé une belle matinée? Ben, pas si pire! Ouais? Ouais. D'accord. J'ai fait ma boîte à lunch, oui. David qui a pété dedans, je me suis coupé, j'ai raté mon autobus. Oh, pauvre Jasminette! C'est pas grave. Ben non, on s'en remet. Alors, on a quelque chose d'important à dire. Il y a une assemblée générale spéciale ce midi. C'est en plein ça. En fait, suite à la demande d'étudiants, ben de au moins 100 étudiants, puisque c'est ce que ça prend pour pouvoir convoquer une assemblée générale spéciale, il y a une assemblée générale spéciale à midi aujourd'hui, donc le 7 février, à la salle Rodolphe Mathieu du pavillon Michel Sarrazin, parce que c'était vraiment le seul local qui avait disponible... jusqu'au préavis, ouais. C'est ça, on aurait aimé ça, faire ça dans un pavillon plus central et moins hors campus, sauf que c'est tout Michel Sarrazin, parce qu'on n'a pas le choix. Puis ouais. C'est la seule salle qui peut contenir suffisamment d'étudiants. Donc, le seul point qui est à l'ordre du jour... En fait, il y a deux points. Il va y avoir un point position sur le sommet de l'éducation du Parti québécois. Donc, c'est pour ça que les étudiants ont demandé l'Assemblée générale, puisque le sommet arrive. Puis, il y a un point avis de motion aussi, où, en fait, un avis de motion, c'est que les étudiants vont proposer certaines modifications à le statut et règlement. Puis, lors d'une prochaine assemblée, on va voter sur ces modifications-là. Aujourd'hui, ils ne font que les présenter. C'est à midi à la salle Rodolphe Mathieu du pavillon Michel Sarrazin. Parfait. Soyez-y. Il n'y a pas de levée de cours parce que, ben en fait, on n'a pas réussi à l'avoir. On l'a demandé, puis normalement, on en a une par session. Puis on en avait déjà une pour l'Assemblée générale du 19. D'accord. Voilà. Donc, midi, salle Rodolphe Mathieu. Oui. Très belle salle. Pavillon Michel Sarrazin. Je ne suis jamais allé. Mmh. Eh bien, tant mieux. C'est où ça, Michel Sarrazin? C'est le hors-campus du campus, là. C'est en bas de la côte. Tu sais, il y a comme c'est le pavillon des psycho-psycho-aides, là. Okay. Après les résidences. Oui. Après les résidences. Je comprends. C'est ça. Merci, Jasmine Raymond-Réville. Ça fait plaisir. Bon matin. Bon midi. Oui. Bonne journée. Il est 9h. Quoi? OK. Ah ouais, je te souhaite un bon restant de journée. Merci. Frère. Bon! Oh. Et tu es fatiguant. Ouais. C'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. On va se quitter là-dessus. Et on remercie tout le monde qui a participé à l'émission. Donc, Maxime Bilodeau. Merci. Merci. François Landry. Ouais! Ouais! Yeah! Ouais! Jasmine Raymond-Réville. Ouais. Oui. Yeah. Ouais. Oh, oh. Jean-Philippe Charbonneau. Ouais. Mathieu Plaud. Merci, je l'ai pas dit moi-même. Hey. Mais non, tu sais bien que je te nomme tout le temps en fin d'émission. T'es fin, t'es fin. Oh. Soyez avec nous lundi parce qu'on aura Simon Fédivé et sa chronique éditoriale « Si mon humeur vous déplaît ». Et on parlera d'art et spectacle avec Alexandra Carignan et « Le temps d'une culture ». C'est tout, il n'y aura pas de Sébastien Gilles pour le verre avec Mire. Donc on va combler avec des chroniques maison lundi. On reste à l'écoute, évidemment. La Belle et les Bêtes commence à 9h. Ensuite de ça, il y a le dîner de con à 11h avec Danny Janvier. Et puis en après-midi, je serai de retour avec Stéphanie Paradis et Maxime Tanguay pour les Palmarès C'est fou, un top 40 de la semaine. Tu vas avoir le temps de te réveiller. Oui, j'espère. Alors, c'est pas pire. Hein? Ça va mieux. On se quitte avec Jane de Whitehorse. Faisons ça. Bonne fin de semaine, tout le monde. Oh, bye. Bye. Bye. So close.